Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres, et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast qui a un gland dans la main. Je suis Grushkov et je serai votre capitaine aujourd'hui et je serai accompagné de mon équipage composé de Tuki. Coucou. Ximnut. Salut. Matt. Coucou. Funeli. Salut. Et Adrien le Peck. I got a good feeling about this. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle production Lucasfilm, enfin une nouvelle. C'est-à-dire qu'elle date de... J'ai pas revérifié ici, c'est ça. 1988. Ouais. Un petit film réalisé par Ron Howard qui n'est pas solo, mais qui s'appelle Willow. Un petit film, donc j'ai perdu mon conducteur. écrit par Bob Dolman sur une histoire de George Lucas. George Lucas qui avait eu l'idée de faire ce film-là. Et d'après ses dires, donc on sait ce que ça vaut, mais d'après ses dires depuis 1972, c'est de la pure fantasy, hein, c'est Star Wars, mais pas dans les étoiles. C'est le film préféré, je crois, de quelqu'un à bord de ce vaisseau, n'est-ce pas, Adrien ? Alors, c'est un de mes films de cœur que je regarde assez souvent, finalement, et qui m'a accompagné pendant toute une partie de mon enfance. Et il faut savoir que je n'étais pas au courant qu'on allait enregistrer quelque chose sur Willow. Donc là, c'est un peu une surprise. Et si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous devez le savoir, mais je fais chier littéralement tout le monde pour faire un épisode sur ce film. Parce que voilà, c'est Lucasfilm. C'est ton heure de gloire. Oh, voilà, tu fais incroyable. Pas qui, non. Je suis trop content. C'était un poisson d'avril, en fait, on va pas le faire. Allez, ciao. Voilà, je tiens. Vas-y, Tuki. C'était quoi ton idée J'avais dit, venez le truc de Willow, on le fait, mais sans Adrien pour lui faire le poisson d'avril. Ce qui aurait été le pire truc de tous les temps. Non, j'aurais même pas été dégoûté, j'aurais été heureux de vous écouter, comme d'hab. Mais il y a aussi, du coup, dans le premier rôle, le rôle titre même de ce film, un acteur qui était dans Star Wars et qu'on connaît bien, parce qu'il est toujours impliqué dans le fandom, et d'ailleurs, il était dans Solo il y a pas longtemps, hein, vous voyez, tout se recoupe tout le temps. Et comment il s'appelle cet acteur-là, Adrien ? Il s'appelle Warwick Ashley Davis. Notre Wicket national préféré. Oui, notre Wicket, notre Weasel. Il a joué plein d'autres personnages dans la pop culture. C'est l'un des seuls acteurs à avoir fait Alors, il n'a pas fait Le Seigneur des Anneaux, mais il a fait Harry Potter, Star Wars, il a fait plein d'autres trucs. Et du coup, voilà, c'est une légende de la pop culture anglaise. Ouais. Il était enfant quand il était dans Star Wars, et c'était un très jeune adulte encore quand ils ont tourné Willow. Hein. Oui. Il est toujours une tête de pipou. C'est trop mignon. Ouais. Et ouais. Et oui, c'est assez intéressant parce que là où par exemple, Le Seigneur des Anneaux, qui est une trilogie que j'adore, hein, c'est ma trilogie préférée, mais pour faire les Hobbits, voilà, ils ont pris juste des gens random, ils se sont cassés les pieds à faire des effets spéciaux, mais pour Willow, ils ont pas du tout fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour le peuple des personnes plus petites, les Nelwyn, c'est ça ? Ouais, c'est les Nelwyn. Les Nelwyn, ou les Peck, comme disent les racistes. c'est une peuplade seulement, uniquement composée de personnes de petite taille, comme Warwick. Enfin, ce qui est quelque chose, bizarrement, hein, le film, il date de 1988, mais du coup, c'était super rafraîchissant de voir que, regardez, il y en a assez pour remplir un village, hein, mais genre ils en ont trouvé beaucoup, hein, des actrices de petite taille pour faire ce village. Il est plutôt stylé. Du coup, on l'a tous revu cette semaine et la semaine dernière pour les plus Ximnut sérieux d'entre nous. Et ce matin pour les autres. Alors moi, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, ça compte quand même parce qu'il était 3h du mat. Mais moi, pour le coup, par contre, j'ai vu pour la première fois, je l'avais jamais vu. Pareil. T'as bien aimé? Ah, bien vous aimé. Avez bien aimé ou pas? J'ai grave kiffé. Ah, trop cool. On va développer, j'ai quelques trucs à dire, mais ah, c'était chouette. Il y a beaucoup de trucs à dire. Qu'est-ce qu'il est dans ce film aussi? Oui, alors, j'ai tendance à, je sais pas vous, mais quand je le vois, j'ai tendance un petit peu à le découper dans ma tête. J'ai l'impression que le film a été pensé comme une trilogie, ou en tout cas comme une série même à des moments. mais que bah le budget a fait que et un gros budget, mais le budget a fait que ils en ont fait qu'un film, et surtout le film a pas tellement marché, hein, commercialement parlant, donc non, ils n'ont pas fait de suite. Non. Mais, ils n'ont pas fait de suite, ouais. Jusqu'à jusqu'au rachat de Lucasfilm par Disney, puisqu'on sait que il y a désormais une série qui est en train de se préparer, une série qui fera suite, je suppose, hein. Ça va, et voilà, là il va y avoir une suite, et je pense que ben la plupart des trucs qui pour moi fonctionnent pas forcément malgré leurs efforts dans le film original, je pense qu'ils ont moyen de justement de rendre ça encore mieux dans une série moderne avec le ben, je veux dire Disney c'est un mastodonte quoi. Et en plus, il y aura Erin Kellyman qui vient de Solo, vous voyez, tout se recoupe sans arrêt, c'est magnifique la vie. Et du c'était coup qui, le cast... Erin Kellyman pardon. Enfys Nest. C'était Enfys Nest. Allez. OK. Moi, je l'ai vu quand j'avais, je sais pas, 5-6 ans peut-être, Willow. J'étais vraiment petit. Et j'avais beaucoup aimé, mais j'ai fait des cauchemars pendant ouais, longtemps. Peur, sur. Le visage de la nourrice au début, il est gravé à jamais dans mon visage, tu vois. Parce que les cauchemars des chiens qui bouffent la meuf vivante, ça c'est resté longtemps. Ces chiens, ils sont infernaux. Ils sont horribles, hein. Ils sont terrifiants. Je les avais déjà vus avant. C'est ça, un des seuls trucs que je connaissais du film, mais ils sont terrifiants ces machins-là. Oh, ouais. Je suis content de pas l'avoir vu gamin. Hein. Ouais, n'empêche. Le film, il passe son temps, quoi. Pratique. C'est des costumes pour des vrais c'est chiens, des costumes pour des bons dogo en dessous qui. Ben ouais, qui ouais. Et mais il sortit un an avant. Je l'aurais vu gamin à 5-6 ans, 8 ans. C'est chaud. Hein. Et puis, ouais, comme tu dis, au final, il perd pas de temps. Hein. Le début du film, il a pas le time, mais j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Ne serait-ce que, on te place dans un monde de fantasy, comme ça, direct. J'ai trouvé ça cool. Genre, on te montre 4 plans dans la nature, et puis ensuite, c'est bon, tu sais que t'es dans un monde de fantasy. Mais t'as, ouais, t'as, on t'explique pas mais tout. Et là, c'est proche de Star Wars, pour le coup, c'est qu'on a un petit carton c'est ça. Au début, voilà, juste la base, ouais. Et après, on te jette dedans, tu te débrouilles. Et c'est ce qui marche le mieux, plutôt que d'essayer de te vendre toute la police géopolitique c'est du ça, coin. C'est ça, c'est très le traitement Lucasfilm, au final. Ouais. Hein, c'est, ouais. On te plonge directement dans l'action. Même Indiana Jones, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment la formule du truc avec... Cette fois-ci, comme t'as dit, encore une fois, le petit texte au début, qui est pas déroulant, mais il est là quand même. Faire trop flag. Et du coup, donc j'ai commencé à parler du cast tout à l'heure, j'ai pas fini de le présenter parce que Warwick Davis, il est pas tout seul, hein, même si le film porte son nom. Il y a à ses côtés un acteur déchu depuis. Non, je sais pas, il fait encore des trucs, Val Kilmer, je sais pas, c'est vrai qu'il a été Batman. Bah, dernièrement, il a repris son rôle dans Top Gun, mais c'est le dernier gros truc qu'il a fait. Et encore, ils l'ont ramené parce qu'il était dans le film original, il fait pas un gros truc. Je l'ai vu, moi, pour la première fois à 20 ans, 21 ans. Enfin, c'est Tuki qui me l'a montré, hein. C'est un des premiers films qu'on a acheté ensemble. Et je me souvenais pas qu'il était aussi beau gosse dans ce truc, hein. Ah si. Oh la vache. Ah, il envoie, Et en plus, ils le mettent à moitié à poil les trois quarts du film, c'est génial. La moitié du film, il est à poil, l'autre moitié, il est en fille, quoi. Il s'habille c'est tellement... à moitié à poil, à moitié en fille. C'est un himbo, quoi, mais totalement. Mais c'est énormément... C'est le proto-himbo. C'est ça. Ce film a défini mes goûts en matière de personne pour le reste de ma vie, hein. Oui, parce que il y a Val Kilmer d'un côté qui fait le himbo, et de l'autre côté, t'as Sorcha qui est joué par Joanne Willy Waller, donc Sorcha qui est la fille de la reine Bavmorda jouée par Jean Marsh, qui est la grande méchante, hein, la sorcière ou terrifiante qui a son royaume maléfique, et du coup sa fille qui évidemment est comment on dirait Matt thermomètre. Elle fait grimper le tableau. Qui botte des culs. Mais pourquoi moi en fait Funélie aussi. Bonjour madame. Ouais, bonjour madame. J'ai pensé à toi aussi, je me suis dit, est-ce que tu vas dire bonjour madame? Merci. Évidemment que je dis bonjour madame. C'est une badass, c'est une guerrière. Ouais, elle botte des culs, attends. C'est pas la princesse. C'est pas la princesse qui reste à la fenêtre. C'est clair que... Elle va se battre et puis bon, on verra qu'elle fait plein d'autres trucs aussi. Mais c'est quand même étrange, juste rapidement, que Lucas nous ait pas proposé un personnage comme ça dans Star Wars épisode 1 ou 2 ou 3, quoi. À part Padmé qui se bat un peu mollement dans l'épisode 1, on n'a pas de rôle de femme comme Sorcha avait, enfin comme Joanne Whalley avait dans Willow, quoi. Peut-être qu'il était moins impliqué, comme il était que producteur. Peut-être que quelqu'un d'autre a eu. L'histoire est de lui, en fait. L'histoire est de lui, mais ça a été réécrit. Il y a un scénariste. Oui. Peut-être que ça a été ramené par Bob Dolman. Oui, c'est ça. C'est comme les épisodes 5 et 6 de Star Wars, au final. Hein. Oui, je pense. Si tu regardes la différence entre Willow et Star Wars, c'est que. Willow est ultra en avance sur son temps, genre il est ultra inclusif. T'as tout un village de petites personnes, justement. C'est ouf! Je veux dire, il a pas fait ça, Peter Jackson, quand il a fait le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Il a pas pris des personnes de petite taille. Il y a même des personnes de couleur. Alors, ça, par contre, t'es sûr qu'il y en a zéro dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est clair. Ouais. Si, c'est des méchants. Bah si, en fait, ils sont peints et c'est les orques, quoi, mais... Finis. Et le pirate. Tous les films qu'on aime sont problématiques, n'oubliez jamais ça. Mais dès ce que j'avais lu, pour le fait que ça soit Warwick le héros du film, Lucas, c'est apparemment c'est lui qui a décidé, enfin, qui a vraiment choisi. En fait, il en a parlé pendant le tournage du Retour du Jedi, apparemment. C'était déjà quelque chose qui était en train de mûrir. Visiblement, c'était une volonté, voilà, justement, vu que c'est thématique habituellement, c'est d'aller un peu contre le système. Dire ou contre l'ordre établi plutôt, bah, il s'est dit que c'était intéressant de mettre en avant une minorité, même si à mon avis c'est une interprétation derrière de Lucas. Mais je crois que par rapport à Star Wars, la trilogie originale, il voulait déjà être un peu plus inclusif, mais il avait eu beaucoup peur de comment allait être reçu le film et tout. De la réception. Et ouais, voilà, et comme après ça a eu un succès fou et qu'il était plein de blé, il s'est dit ouais, maintenant je fais un peu plus ce que je veux. Et... Il s'est donné plus de liberté sur ces trucs-là. Mais je crois pas qu'il y ait un autre film à gros budget comme ça qui inclut autant de... Non. De personnes T'en as pas... T'as certains films qui le font. Tu regardes Warwick Davis, il a joué après dans Harry Potter, dans Narnia aussi, il me semble qu'il a un rôle dans... La façon dont c'est représenté aussi, il y a ça. On a Warwick, qui est une petite taille, basiquement qui est mal vu par tout le monde dans le coin, qui est le héros, qui fait des choses folles, qui va au bout, qui est courageux, qui porte plein de valeurs positives. Dans Le Seigneur des Anneaux, alors déjà, c'est des mecs qui font 1m80, voire plus, qui interprètent ces rôles-là, mais ils sont déjà minoritaires. Et dans Harry Potter, il joue quoi? Il joue des gnomes, il joue des trucs, enfin, il joue un personnage fantastique masqué. Déjà, il est toujours masqué en plus, oui, effectivement. Et puis, pareil, il ne porte pas forcément des valeurs super positives. Alors, même si pour le coup, il joue dans des films, ils ne vont pas véhiculer la même chose. Ouais, pour le coup, Warwick Davis, tu sens bien qu'il a tapé dans l'œil de Lucas et en fait tout Lucasfilm hein, en jouant Wicket dans l'épisode 6 où il n'a que 12 ans à l'époque, hein, quand même. C'est pas rien jouer dans ta saga préférée. Alors que t'as 12 piges, et en plus réussir tellement bien que le créateur de cette saga est devenu ton pote et il t'invite à faire un film où t'es le lead alors que t'as un handicap, c'est pas rien quand même. Ouais. Bah ouais, c'est même super cool quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que ça raconte, Willow, mon petit Adrien? C'est moi qui ai l'honneur de raconter ça. C'est toi qui l'as vu le plus, avec lui. J'ai failli le faire, mais je me suis dit, si on veut que ce soit bien fait, vaut mieux que ce soit toi qui t'y colle. Attends, alors j'ai pas de notes, donc c'est compliqué. Mais en gros, ça raconte l'histoire de Willow, donc un jeune fermier Nelwyn. Un fermier, tiens, ça me rappelle un autre personnage qu'on connaît bien. Et qui donc est un jeune père de famille dans un village de Nelwyn. Donc Nelwyn, c'est son espèce, on peut dire. C'est une race, en fait, différente dans l'univers de Willow. Et donc, un jour, ses enfants trouvent... donc, il a deux enfants, un petit garçon et une petite fille. Et donc, trouvent un bébé humain. ou Daikini. Un bébé Daikini, ouais. Daikini, il n'y a ouais, pas ouais, d'humain dans ce truc, justement. C'est ça qui est bien aussi. Contrairement ouais. à Star Wars, où c'est les humains et tous les autres, c'est... ils ont tous vraiment leur race différente. Moi, tout le long, j'ai pensé à Daikiri, j'avais envie d'un cocktail. Pourquoi ça m'étonne pas? Fidèle à toi-même. C'est tellement on ça. Brand. Tu pourras faire ta parodie MP3 de 2005 avec ce nom. Et donc, en fait, ils trouvent un petit bébé Daikini. Donc, en gros, les Daikini, ce sont donc des adultes de grande taille valides. Donc, des gens pas très intéressants, si vous voulez mon avis. où j'en étais. Et donc, voilà. Willow va donc garder l'enfant chez lui en attendant de savoir quoi faire. Savoir quoi en faire, c'est ça. La reine, la méchante reine Bav Morda a eu vent d'une prophétie qui disait qu'un bébé avec une marque de naissance sur le bras causera sa perte. Et donc, elle se met en tête de tuer tous les enfants qui ont des marques sur le bras. Et donc, en fait, heureusement, il n'y en a pas trop. Heureusement, ça va, il n'y en a pas trop. Et donc, en fait, Willow va trouver donc, ce bébé-là qui se trouve être justement l'élu, en fait, l'élu des Daikini. Et donc, Willow va, pour faire simple, devoir partir en quête de ramener le bébé quelque part. Parce qu'il ne sait pas encore que c'est l'élu, mais du coup, il sait que le bébé est recherché par les méchants. Et donc, son rôle, c'est d'éloigner le bébé de son village de Nelwyn pour bah, permettre au Nelwyn de ne pas se faire buter par des chiens envoyés par Bav Morda. J'ai trop de mal, je suis désolé. Oui, voilà, parce qu'ils subissent une attaque pendant la fête. En plus, il y a une fête de village et il essaye de... Et lui, il veut devenir enchanteur et du coup, il fait plein de tours de magie trop stylés. Et le village se fait attaquer par les fameux chiens... Le chien rat. Je sais même pas s'ils ont un nom, c'est des hounds, non? Et non, ils disent pas leur nom, ils disent jamais leur nom. Ouais, ils les appellent juste des chiens, quoi. Les horreurs sur pattes. Ouais. Les grosses dégueulasseries. Les grosses dégueulasseries. Ce que j'aime bien... Envoyez les cauchemars. Ouais, c'est ça. Bah, pareil. Ce que j'aime bien... Les trucs qu'on mettra dans Solo dans 30 ans. Avec ses chiens. Oui, il y a presque les mêmes. C'est les mêmes, mais sans poils. Bah, vous aviez fait la remarque à l'époque où on avait fait la revue du film, je m'en souviens. La différence, c'est que dans Solo, c'est pas des vrais chiens à l'intérieur. C'est un mec habillé en vert avec des tringles qui les... Tu veux bien aimer voir en train de tringler des chiens. Il tringle des chiens par... En plus, si t'as une photo, tu le vois, il a les tringles dans le cul des chiens. Et puis il déplace les chiens comme ça, c'est assez drôle. Mais il continue en plus. Ce que j'adore au début de Willow, c'est qu'on te dit « Oui, bon, Bav Morda, elle sait qu'il y a un bébé qui va naître avec sa marque sur le bras, là, et que du coup, ça veut dire qu'elle elle va perdre son royaume et ses pouvoirs. Du coup, elle a kidnappé toutes les femmes enceintes. » Ils te disent littéralement « Elle a chopé toutes les Daikini oui. enceintes ouais, c'est ça, c'est du hardcore. Royaume. » Je perds pas de temps. Okay. Mais tu vois aussi c'est que les gens, tu vois aussi que du coup ouais, les gens sont quand même déter à l'arrêter parce que la femme au début du coup qui accepte d'aider la mère de l'enfant, genre ouais, elle oui, en chie quoi. Bah, ouais, elle fait littéralement bouffée ouais. vivante quoi. À la fin. Ce que je voulais juste aborder avec les chiens, c'est que ce qui est super intéressant, c'est que c'est le premier élément fantastique du film que l'on croise. Tout le début du film, bon, tu peux te dire, ok, c'est le Moyen-Âge, vite fait, voilà, c'est un univers assez classique, mais juste le Moyen-Âge, bon, ça se tient, ok. Et d'un seul coup, tu vois ces bestioles-là. Et tout de suite, tu te dis, ok, c'est de la fantasy, c'est un peu chelou. Mais ça t'introduit dans l'univers directement, il faut rien de plus, en fait. Et je trouve que ça marche super bien. Il bouffe ouais. quelqu'un en vivant. Il y a une petite référence à Moïse aussi, avec le... Le, radeau, le bébé enfin, qui est confié à une dame voilà, et qui le met sur le radeau le long de la rivière pour le sauver. C'est Moïse, ça c'est... Oui. Tu croyais que c'était qui Mickey Mouse. Il n'y a pas genre Joseph ou un truc comme ça. Non, parce que j'ai la cassette du film Joseph est dedans. Et quand j'étais petit, c'était nul à chier comme dessin animé. Et t'avais ça au début, ça m'avait marqué. Mais peut-être que... Dans Le Prince d'Égypte, le dessin animé, au tout début, la mère, elle le fout sur un radeau en chantant une chanson super triste. Là. Ça aussi, ça a hanté mes rêves. Ouais, d'ailleurs, quand Willow le trouve, il m'a bien fait rire. Ouais, non, non, mais on la repousse sur la rivière, on fait comme si de rien n'était. Ça, je voulais dire aussi, oui, il me bute tout le long. En fait, il me fait penser aux darons qui veulent pas d'un chien ou d'un chat. Tu sais, t'as les. Ouais, il ramène un chat à la maison. Oh, on peut le garder, s'il te plaît. Lui, non, je veux pas de ça, sortez-le dehors, machin. J'ai appelé la SPA, et finalement, il le garde. D'ailleurs, moi, je me suis noté fuck le patriarcat, parce que t'as genre toute sa famille qui l'envoie chier, qui l'ignore. Ah, oui, et lui, il est trop en train de rager comme un gamin. c'est un autre parallèle avec un personnage qu'on connaît bien, ouais, voilà, qui il aime pas trop les responsabilités au début. C'est vrai qu'à un moment donné, il se casse tout, c'est stop ignoring me, ben, j'existe. Et, d'ailleurs, juste. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais Gaïa, sa femme, qui prend le bébé, qui est genre mais il a faim, en plus, faut lui changer la couche, qu'est-ce que tu fous? Puis elle se ramène dans la maison, tu sais, et l'autre, il est. Ok, il est vraiment, mais c'est drôle parce que Widow, tu sens qu'il veut, il veut faire le bonhomme, mais en fait, genre vraiment, tu sens que c'est Gaïa qui a toute. qui est vraiment. C'est elle vraiment qui gère tout et que lui, c'est juste un blaireau, quoi. Ouais, il a une genre, bonne petite vibe de loser. Oui, c'est ça, mais c'est un personnage qui arrête pas de rater hein, tout le long du film, et il rate en fait. Oui, il faillit. Puis, genre pour tenir sa ferme, là, il doit filouter pour avoir des graines et tout, donc c'est vrai que ouais, la responsabilité, aussi, il a un peu du mal, mais justement. Ça aussi, j'ai trouvé très cool parce que direct, quand Faut tu vois le préfet qui arrive, direct, c'est le méchant capitaliste bourgeois dont on se moque ouais, pendant tout le film au en fait. Et tout. Et l'autre il se fout de sa gueule en mode comment t'as eu tes graines parce qu'il y a que moi qui en vend et tout, genre le mec il a fait une OPA tu vois. Et l'autre qui je sais pas, c'est peut-être magique. Attends quoi. J'aime bien l'ambition du mec quand même. C'est moi qui ai toutes les graines du village. Je suis trop fort. Trop stylé. Je suis trop mais puissant. Mais c'est juste un petit aparté. Je sais pas si vous l'avez vu en VF ou en VO. Les deux. Moi, je l'ai toujours vu en VF jusqu'à ce que je le regarde en VO cette semaine. Ah, non, moi, je l'ai vu en VO. Moi, je l'ai vu en VO. Et ben, il y a un passage en VF qui me fait mourir de rire à chaque fois. Et depuis que je suis tout gosse, hein, c'est une des répliques que je répète avec mon grand frère tout le temps. C'est quand, en gros, les enfants de Willow trouvent le bébé sur la rivière. Et ben, ils s'écrivent tous avec une espèce d'accent normand. Ils disent « Popo, popo, il y a quelque chose dans la rivière !» En VF, il l'appelle « Papa !»« Popo, popo, il y a quelque chose dans la rivière !» Et c'est juste trop drôle. Papa, c'est pas comme ça, la Normandie, là, avec les petites maisons et tout. On parle comme ça, vraiment. On est « Popo, popo, il y a quelque chose dans la rivière !» Et vraiment, c'est incroyable. Oh, merde. Meilleur petit, d'ailleurs, hein, les enfants, ils sont vraiment... Ils sont trop choux. Mignon. Mais la VF est vraiment excellente. Moi, franchement, j'étais d'ailleurs un peu triste pour la VO parce qu'en VF, Darbois fait la voix de Mad Martigan et il fait vraiment une voix spécifique à ce personnage qui lui va tellement bien. Et en VO, il est un peu moins, il a un peu moins ce côté complètement loufoque et excité. Et pareil pour les, on en parlera plus tard, mais pour les deux petites, les petits brodies, qui ont des voix suraiguës en VF, et j'ai toujours cru qu'un des deux c'était une femme. Et qu'ils étaient en couple, du coup, bah, c'est un couple gay. Voilà. Bah, oui, c'est ça, mais c'est clairement, en fait, c'est encore une nouvelle take du duo comique après C3PO et R2D2, ouais. c'est les mêmes, sauf que cette fois-ci, c'est deux R2D2. C'est deux mecs blancs à poil en... en serviette et que je fais en putain. Mais même s'ils ont, ils ont moins d'importance qu'R2 et C3PO quand même. Ils sont surtout là pour faire rigoler, je trouve, les deux brownies. On en reparlera peut-être plus tard, mais... Moi, j'appelle ça les cauchemars ambulants. Oh, genre quand même, à un moment ils ouvrent la cage et tout, ils font 2-3 trucs, ils sont pas. Non, non, ils aident beaucoup les personnages à évoluer dans leur chemin. Oui, involontairement, c'est vrai. Mais ils les aident beaucoup. Dans l'histoire, donc j'ai rien un peu les étapes, hein, je suis désolé, j'ai pas de conducteur sous les yeux. Et donc Willow se met donc en gros, Willow veut devenir un sorcier. Et pour ça, il faut... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un sorcier? Il faut répondre à une question, tu sais. Au début, tu fais un show, genre tu montres un peu la magie que tu sais faire. Ensuite, il y a une sorte de présélection, et ensuite, ouais, il y a le mage, je sais pas exactement comment il l'appelle, mais qui pose une question avec tout le monde, et la question c'était tire sur mon doigt. Ouais, c'était plus ou moins tire sur mon doigt. C'était avec quel doigt on peut contrôler le monde, ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Quel est le doigt qui contrôle le monde? Ouais. Et donc là, Willow il rate. Et donc, il ne deviendra pas sorcier. Voilà, bon, fin de l'histoire. Les chiens arrivent, ils bouffent tout le monde, et puis... plus dur. C'est bon, voilà. Pardon. Les chiens arrivent, et donc, c'est là où, justement, Willow va se dire que le bébé... après que les guerriers du village aient tué le bébé... D'ailleurs, c'est cool, parce qu'on voit des personnes de petite taille qui se battent. Mais tu le chien. C'est... Ouais, ils sont trop badass, les deux guerriers, là. Ils sont trop forts, ouais, ils sont aussi trop forts. Aussi des gros BG, hein. Ils ont vraiment pris des acteurs ultra beaux. Ils ont défoncé le chien. Ils sont super badass. Ma femme, qui est canadienne et qui a grandi en regardant des films, bah voilà, les trucs qui sont pas forcément exportés en Europe, me dit que... donc, un des deux mecs, visiblement, est aussi un acteur assez connu... c'est ce que me disait Grouchkoff aussi. J'ai pas les noms des personnages, mais c'est vrai que ouais, non, ils ont roulé leur boss aussi, et donc ça, voilà, ils savent mais tenir, ouais, un film et tout. Il y en a un que j'ai beaucoup vu, je sais plus dans quel film, mais il y a un des deux guerriers là, ouais. Ouais, bah celui qui joue Vankar, il joue dans Star Wars aussi avec Warwick Davis. Ah ouais, ok. Cool. Ouais, Vankar, c'est celui qui est vraiment trop fort. Vankar, c'est le chef des... Ouais, c'est le meilleur. C'est le plus badass. Ouais. Le mec, il solote un chien. C'est pour ça qu'il doit rester au village. Oui, c'est ça. Mais donc voilà, donc ensuite, Willow se dit qu'il faut partir. Et là, heureusement, hein, le sorcier d'Enelwyn leur dit que c'est à Willow de faire le chemin et que Willow aura besoin de compagnie. Ah ouais, il est génial, celui-là. Genre, il bullshit tout le monde. Ouais, j'aime trop. Ouais, j'aime trop, genre, bon bah, on bullshit ce que disent les os, hein, parce que voilà. C'est ça qui est trop drôle avec la magie dans ce film, c'est que tu sais, c'est censé être un truc super puissant, mais c'est aussi un truc vachement dur à maîtriser et vachement aléatoire. Et du coup, tu sais, ouais, je suis un grand sorcier, mais bon, des fois ça foire, quoi, c'est tout. Vas-y, pardon. Et t'as du coup, ouais, t'as le sorcier qui est en mode « Bon, écoutez, puisque tout le monde se dispute de ce qu'on doit faire avec le bébé et tout, je vais demander aux os. » Et puis le mec, il prend un sac, il jette littéralement des petits os, des morceaux d'os, tu vois. Et puis il regarde et puis il fait « Willow, viens voir !» Et puis il lui fait « Ils me disent rien du tout !» Oh la merde. C'est juste des os, tu sais. Oui, c'est trop bien. Ouais, mais c'est une des notes que j'ai pris sur le film. C'est une des conclusions, c'est qu'en fait, la magie bullshit, c'est la plus forte magie. C'est vrai, en plus. Genre, quand tu fais de la magie à tout le monde, et en fait, ça marche. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est un film qui est justement... on est déjà, je pense, dans l'idée de Lucas de un peu désacraliser la force. Ce qu'il avait fait un peu avec l'épisode 1, avec les midi-chloriens, tout ça. Où en gros, il essaie de désacraliser un petit peu cette espèce de force inconnue, en disant que bah, des fois, c'est juste un peu ce qu'on en fait derrière, quoi, qui est important. C'est la personne qui importe, c'est pas c'est ça, la puissance. C'est ça, ouais, en fait, là, le pouvoir, c'est un peu ta créativité, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, le pouvoir de l'imagination, c'est incroyable. Du coup, le vieux sorcier, lui, était à court d'imagination. Oh, j'ai la flemme d'inventer un truc cette fois-ci. Et du coup, il de se débarrasser du capitaliste, il en profite. Il débarrasse des gens qui viennent de chier tout le monde. C'est ça. Ouais, j'aime trop, ça fait un peu une punition, genre le bourgeois capitaliste qui dit « Ouais, ouais, on l'envoie, il se casse, comme ça il fera plus chier personne », et puis du coup le mage il dit « Ouais, bah en fait, du coup, tu vas avec eux ». Ouais, mais c'est encore pire, parce que c'est genre « On l'envoie tout seul, mais moi je garde les guerriers les plus forts du village, parce que le village, il en a besoin », et du coup l'autre il fait « Ah, les os, ils viennent de me rappeler, ils ont dit, faut que t'y ailles aussi ». Du coup, t'as le gars qui est genre « Bon, bah je prends les guerriers, hein !» C'est quand Burglecut, il crie « Vendcœur. Et là, t'as une très belle transition lucassienne, hein, où l'écran ouais, ouais. Se réduit de plus en plus en, ouais, en fondu. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est très drôle. Et d'ailleurs, ce moment-là, ça m'a fait penser que... Et d'ailleurs, disons que l'histoire existait encore, mais c'est vrai que moi, j'ai surtout vu les films. J'ai l'impression que le film tire presque autant dans son esthétique que dans son histoire de Seigneur des Anneaux que de Star Wars. Ouais. On en a parlé un peu. Pardon, ouais. Vas-y. Non, finis ta phrase, excuse-moi. Bah oui, non, je dressais, au fur et à mesure que je voyais le film, je dressais presque autant de parallèles avec le Seigneur des Anneaux qu'avec Star Wars. Exactement, c'est ce que je dis. Pendant tout le film, je parlais à Grushkov et je disais « Ah ouais, tout le film. Ouais. Ah ouais, tu vois, machin truc, je connais, tu vois, mais par rapport au Seigneur des Anneaux. Non. Ah oui, mais de toute façon, tu sens bien que... tu sens bien qu'on est dans les années où on se demande si adapter Lord of the Rings au cinéma, c'est possible, quoi. Il y a des gens qui se posent sur la question et tu sens bien que même Lucas, ça te titille un peu, quoi. Bien sûr, ça faisait déjà partie des influences de Star Wars, donc évidemment, pour un truc purement fantasy, t'as des trucs. Et d'ailleurs, il y a plein de plans qui sont dedans où tu te dis, ouais, ça, ils ont vu Willow à la Weta hein, avant de se lancer. Genre, le village des Nelwyn, c'est complètement la comté. Non, et puis même simplement, enfin, c'est l'inverse. Ils sont allés tourner en Nouvelle-Zélande aussi. Ouais, les Nelwyn, ça fait Hobbit. Oui, c'est vrai. Les Daikini, du coup, c'est ce qu'ils appellent les humains dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, la race des hommes. Ouais, et puis quand t'as le groupe, du coup, qui se fait poursuivre, recherché par les soldats qui sont sur des chevaux tout en noir. Oui. Et ils se planquent sous un arbre. Exactement, c'est littéralement aller en dessous du buisson et ils sortent du chemin pour aller en dessous du buisson et ils regardent les mecs à cheval. Voilà, donc Peter Jackson donne l'argent à Warwick Davis. Et il aurait au moins pu l'engager. À un moment, ils sont même, tu sais, à contre-jour, donc tu vois juste leurs silhouettes les unes derrière les autres sur des, ouais, sur des chemins indienne, là, ouais. Un peu montagneux, tu sais, genre, ah ouais. La communauté de la communauté. Mais donc voilà, ça c'est, j'y ai vraiment pensé, ça m'a vraiment frappé, voilà, au moment où ils assemblent la communauté et puis qu'ils commencent à partir pour aller. Donc c'est violent quand même, ils disent bon bah le gamin on va pas l'aider, on va juste le poser à un vieux carrefour et puis on se casse. Oui, c'est ça. Vous le filez au premier humain, enfin au premier Daikiri, Daikini. Ouais, falsifié vite fait. Hein. D'ailleurs, il est tellement bien introduit ce personnage. Attends, d'abord le capitaliste, il se fait chier dans la bouche par un oiseau. Mais oui, ce truc de le gars, il lance sa pierre, ça devient une colombe et puis il fait suivez la colombe, elle vous indiquera le chemin. Ah. Et puis t'as la colombe qui fait demi-tour et t'as le capitaliste qui est elle rentre au village. Hein. Ouais, mais il est tout claqué, le vieux sorcier. Mais oui, c'est ça qui est trop drôle, c'est que mais tous les sorciers du film sont claqués. Hein. Oui. On en reparlera tout à l'heure, mais Thérèse, Finraziel, c'est pareil. C'est ce que disait Finali, c'est que enfin la magie, c'est autant duper les gens que enfin duper les gens que vraiment avoir des pouvoirs, quoi. Et il y en a une qui marche plus que l'autre même. Ouais. Non, mais finalement, on s'en fout de l'oiseau. Suivez-la. Ouais. Mais cassez-vous. Barrez-vous, vous me faites chier. Voilà. Donc finalement, après que le capitaine fasse chier dessus par un oiseau et vomir dans la bouche, ils arrivent enfin au carrefour. Ah non, l'oiseau, ça l'a fait. Là, c'est le gamin qui lui chute dans la bouche. C'est le vomi, oui. Pardon. Je mélange tout. Tu mélanges les fluides. On a oublié aussi le fait que le sorcier a une discussion avec Willow en mode... Ah oui. Mais quand je t'ai demandé par rapport au... Tu sais, l'épreuve pour devenir sorcier. Tu t'es trompé en pointant un de mes doigts. Qu'est-ce que tu voulais faire en vrai? Et puis t'as Willow qui est genre, non, mais c'est trop con. Et puis il fait, non, mais vas-y, dis-le. Et il est, je voulais montrer mon propre doigt. Et l'autre, il fait, c'était ça la réponse, putain. Du coup, je suis au chômage pendant encore un an à cause de toi. C'est génial. Et voilà, et du coup, il lui dit, il faut que tu crois en toi et que tu suives tes instincts et que tu saches que t'es suffisant et ça va beaucoup lui servir, surtout à la fin. Ok, Obi-Wan. J'ai connu ton père. Et voilà, traverse. Ils arrivent à un carrefour. Il y a un croisement, hein, une route. Et quel croisement? J'adore le premier truc qu'ils voient, c'est genre c'est le. Alors ça c'est le croisement des Daikini. Donc ils vont au croisement des Daikini. Premier truc qu'ils voient, c'est des cages à corbeaux avec des cadavres dedans. Ok. Ça, c'est vrai. Ils ont l'air sympas. Donnons-leur un bébé. Déjà, ils nous envoient des chiens pour nous bouffer alors qu'on fait la kermesse. Et en plus, on arrive chez eux, on voit ça. C'est drôle parce que c'est vrai. 100%. Et du coup, il y a le... Ouais, il y a le gros relou dans une cage. Man, le gros relou. Le himbo. C'est vrai qu'il est relou. Non. Bah, il est là pour ça, hein, mais... Il me fait tellement rire. Il est merveilleux. Il essaye de comment on dit, je sais plus les mots en français. Négocier pour qu'il le... Mais voilà, merci. Voilà, parce... Avec tous ses talents d'acteur. Ah, mais Val Kilmer à 200%, mais il est incroyable dans ce film. Et ce qui est génial, ouais, c'est que ça marche en plus. Mais hein. Oui, c'est le ton qu'il faut avoir pour ce genre de film, en fait. Il cabotine à mort, mais c'est carrément... le film aurait été vachement moins bien sans ça, en fait. Ouais, mais attends, ça, en même temps, j'aime trop qu'on porte Willow vis-à-vis de lui, genre quand il lui demande s'il peut avoir de l'eau et que t'as Willow qui boit dans son gobelet en faisant du bruit. Le petit truc de mal, là. Willow, c'est un gros truc pendant tout le long du film, c'est incroyable. Hein. Mais c'est ce qu'il fait. Même quand il lui file, genre, il lui file à moitié et ça lui tombe dans les mains. Ça lui tombe des mains, ouais. Le mec, il se lèche les doigts en mode... Et le... Il y a la moitié des gens qui les ont accompagnés qui se barrent parce qu'il n'y a personne. Oui, ils ont pas envie d'attendre. Coup, ils font, c'est bon, il y a un humain, tu lui files, l'humain il est dans une cage, mais on bat les couilles, il est là. Enfin, le Daikini, il est... Je pense qu'ils se disent surtout, c'est bon, on n'a pas eu le budget pour faire cette grande séquence qui à la base était prévue pour le premier film, donc on y va, nous, salut. Vraiment, c'est là où je pense qu'il y a une première coupure. Et où je me dis que rien que le voyage de Halloween aurait mérité un film, en fait. Je sais pas, honnêtement, parce que il y avait un peu ce syndrome-là sur, comment ça s'appelle, là, vu qu'on parlait de Seigneur des Anneaux, Bilbo, qui était un petit peu, voilà, beaucoup de remplissage, donc je trouve que finalement, en un seul film, moi, je trouve que ça se tient. Oui, c'est vrai. Vrai, ouais. Mais par contre, l'inspiration est évidente, oui, c'est vraiment toujours la... toujours le Seigneur des Anneaux. Deux films, à la limite, mais pas trois. Ouais. Et du coup, oui, voilà, le capitaliste arrive à dire à tout le monde, suivez-moi, on se barre. Il y en a un qui reste. Et du coup, il reste Willow, le bébé, et le meilleur pote de Willow. Migosh. Sam Gamgee. C'est ça. Et, en plus, il a des boucles, pareil. Moi, ce que j'adore, c'est une des meilleures répliques du film quand t'as Matt Martigan, donc le mec en cage qui est en train de se disputer avec Willow, et t'as Willow qui lui fait « Fais gaffe, je suis un sorcier, si tu nous fais chier... » Puis l'autre, il est « Ouais, quoi ? Bah, j'ai un gland ultra magique Il y a un pec, il a un gland dans la main !» Voilà, donc comme on le disait, les Daikini, là, eux aussi, ils ont leur nom pour les Nelwyn et ses pecs. Donc, ouais. C'est comme ça qu'ils les appellent quand ils sont des connards racistes. Et on remarque d'ailleurs, ouais, que Mad Mortigan, il change plusieurs fois selon son humeur, selon comment il se sent, selon s'il est stressé ou en colère ou s'il est calme. Il va l'appeler soit mon ami Nelwyn ou soit Willow. Pec, quoi. Ouais, soit... Et dans la version française, est-ce qu'il garde ce nom-là ? Je me posais la question. Ouais. Ok, ok. Ah, ça veut rien dire en fait, c'est un mot qu'ils ont créé pour le film. Ouais, okay. c'est des pecs. Ok. Alors que c'est lui qui a des pecs. Ouais, c'est vrai. Tous les noms en français, Bruni, Nelwyn, Daikini, Pec, tout a été gardé en français. Ok. J'aime ce qu'on n'est pas bien de Pécor, ça marche bien, je trouve, c'est cool. Et du coup, d'ailleurs, c'est marrant parce que après, il y a plein de gens qui passent en fait à cet endroit-là, mais ils leur foutent tous des vents, mais monumentaux. les messagers. Ouais, non, mais c'est ça. Ils se prennent des gigavents. Il y a que quand il y a toute une armée qui passe qu'il y en a un qui s'arrête, et il s'arrête même pas pour parler au groupe, il s'arrête juste parce qu'il connaît Matt Martigan, quoi. Et pour ça, et ça j'ai trouvé ça hyper cool aussi pour présenter le personnage, en fait, juste d'avoir un autre gars qui le connaît et qui font leur petite discussion casuelle. Ouais. Hey, t'es mon pote, tu me libères. Lol, non, je savais que tu mon pote, c'est pour ça que je te libère pas. C'est vrai, parce que je te laisse son armée se fait massacrer après. Donc lui, ouais, dans ma tête, c'est celui qui s'arrête, c'est Chewbacca, en fait. il y a les poils partout. Et il est roux. C'est le pote du Han Solo du film, donc voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est même en un gros, peu c'est plus, ça, c'est... clairement. C'est une grosse bromance entre les deux. C'est Erk, et en gros, on n'a pas dit, mais dans l'univers, il y a deux royaumes, dont celui de la méchante Baph Morda, et un autre qui s'est fait détruire. Et donc, en gros, ce mec-là vient justement du royaume qui s'est fait détruire pour faire la guerre contre Baph Morda. C'est le roi, hein. Ouais, c'est un peu ça, hein, mais vraiment. Je me posais la question, parce que quand même, c'est une grosse scène, ça. Il y a des tonnes de figurants en armure et tout. Est-ce qu'ils ont vraiment tout filmé avec les chevaux et tout, ou est-ce qu'ils avaient déjà la capacité de faire des trucs de loin, un peu par ordinateur? Parce que elle est stylée, cette scène. C'est quand même mastoc. Ils ont toute l'armée, vraiment, qui passe devant. Honnêtement, quand tu vois l'incrustation des brownies, quand ils font une petite référence à Gulliver, avec les deux Nalwyn allongés par terre, tenus par des cordes, et les brownies qui les entourent, quand tu vois l'incrustation, je pense que tous les effets spéciaux se voient plus ou moins dans ce truc, et que du coup, ça se serait vu aussi. Ok. Moi, je crois que c'est du figurant. Peut-être qu'il y en a un petit peu, mais je pense qu'il y a... Ouais, c'est les scènes avec les chevaux ont l'air vraiment réelles. Mmh, ouais, non, allez. C'est plutôt cool. Et puis, de toute manière, voilà, il y a tellement de soins sur les costumes dans ce film, c'est de la folie. Ça rend tellement bien pour l'immersion et tout, et... Même, voilà, j'y pense maintenant, mais c'est valable pour tout le film, voilà, dans cette scène, vraiment, ils ont, même pour le moins de figurants à l'arrière et tout, c'est super bien fait. Ce que j'adore, c'est que Matt Martigan, tu vois, c'est un, de ce qu'il dit, c'est un super guerrier doué à l'épée et tout, mais il est vachement coquet, parce que tu regardes, il a des cheveux longs, ultra longs, il a des ultra propres, bien brossés, et le mec, tu sais, il est en... On le verra plus tard, mais genre quand il y a le siège de la ville où ils sont tout seuls face à l'armée, le mec est en train de préparer tous ses pièges et tout, et il voit une armure, il est genre « Oh !» Tu sais, le beau sourire, genre « Oh, elle est trop belle, l'armure, je veux trop la mettre !» Ah bah, pour moi, ce moment-là, c'était la tragédie, c'est « Merde, maintenant, Val Kilmer des vêtements. » Plus en jupette rose. Ah bah voilà, pourquoi on continue de regarder le film, quoi. Mais oui, voilà, t'as toute l'armée qui passe, tu apprends que c'est la giga merde, ils s'en vont, il y a Mad Martigan qui continue d'essayer de demander à Willow de le laisser sortir, et puis bah, c'est ce qu'il fait, il finit par le laisser, et puis, parce qu'il promet d'être un bon s'occuper papa. Du bébé. De ne pas voler le lait du bébé. Ouais, ça c'est trop bien. Oh, y a du lait, c'est pour le bébé. Je vais pas lui voler son lait. Après, personne n'a dit qu'il avait pas tenu sa parole. Mais ça, on verra ça après. Parce que du coup, Willow et son ami qui était resté avec lui, mi-gauche, ben du coup, il regarde Matt Martigan partir dans son côté. D'ailleurs, quand il attrape le bébé, qu'il le jette dans tous les sens. Là. Quelle horreur. T'as le bébé. En plus, le bébé est giga bien casté parce que elle est giga expressive. Oui, ça joue. Ouais. J'hallucine. On dirait qu'il y a du jeu d'acteur sur le bébé, quoi. Ils ont dû passer des heures à la filmer. Ils ont dû passer des heures à les filmer, à essayer de bouger derrière, je pense, pour faire avoir des expressions et tout. Et après, au montage, le taf est top, quoi. Ouais. Elle est trop pipou. C'est incroyable. Elle est trop chouette. Quand il la prend dans les mains, qu'elle le regarde en mort. J'en pouvais plus. Mais on en reparlera plus tard, je pense. On en parlera plus tard de l'influence de ce film à propos d'une série qu'on aime plutôt bien ici, on va pas se mentir. Mais pour le coup, le bébé, c'est une partie. Même si c'est un bébé qui, voilà, n'a rien d'extraordinaire, hein, c'est un bébé, petit bébé. Roux, en plus. Ouais, en... Sacrément haut, hein. Ouais. Mais voilà, c'est un bébé qui fonctionne bien, et comme vous dites, c'est... Enfin, elles sont très expressives, hein, les petites mères qui l'ont joué. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ils ont pris le temps qu'elles aient des expressions pour les mettre dans le film. Enfin, si tu veux, ils ont attendu le bon moment, la bonne expression, ils l'ont capturé quand il fallait, et après ils l'ont utilisé. Ils n'ont pas juste filmé le gamin qui faisait rien, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment bien géré. C'est vraiment un personnage à part entière du film. Bah, je crois que enfin, c'est un des gamins, un des vrais gamins, on va dire, dans un film que je vois aussi intéressant, on va dire, à voir. Enfin, généralement, tu sais qu'il y a un gamin là, bon, il y a un berceau, bon, il y a un couffin ou gamin dans les linges, quoi, mais point, quoi. Là, c'est un personnage à part entière, et en plus, il y a l'acting quelque part, même s'il est involontaire, il y a l'acting. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus facile de t'y attacher au final au bébé. Et plusieurs moments, je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il fait le bébé pendant qu'ils sont en train de faire tout ça ? On en parlera pendant les scènes d'action plus tard. Mais ouais, et du coup, lui, il s'en va après en sautillant. Et puis, Willow et Migoff, ils retournent vers chez eux. Trop contents, on va être des héros. c'est trop ça. On est des bonhommes. Les mecs, ils se lancent des fleurs tout seuls. Et le truc, c'est qu'ils rencontrent des brownies. Alors, au début, j'étais genre... Pourquoi ils appellent ça des brownies? Mais ça, c'est vraiment des créatures du folklore écossais, les brownies. Donc, Ouais, en gros, c'est comme tout ce qui est pixies et les trucs comme ça. C'est des, ouais, c'est des, ça. Comme des petites fées, mais sans ailes. Tu vois, c'est genre des mini humains. Donc, ça se mange pas. Qui font des bêtises. Non, ceux-là, ils se mangent pas. Ça se mange pas. Et il y en a un qui arrive, qui... D'ailleurs, on les voit pas après refaire ça, mais ils chevauchent un aigle. Un aigle, ouais, ouais. Et ils portent le bébé. Ils insultent même l'aigle, ils me font vraiment trop rire. Et tourne à gauche, de con. C'est vraiment les mecs à bord du Faucon Millenium, quoi. Ils sont tellement archi pas discrets, ils sont là, genre ouais, on a volé un bébé. Ils sont tellement chaotiques, ils sont vraiment trop drôles. Et moi j'adore leur look parce qu'on dirait, tu sais, tous des mecs ou des meufs blancs, et ils sont comme s'ils faisaient du cosplay d'hommes de Cro-Magnon, tu vois. Et genre ils se disent, ils sont habillés en peau de bête avec les cheveux en pétard, genre, c'est Super Saiyan, tu vois. C'est vieux, ouais. D'ailleurs, il y en a un des deux, c'est Kevin Pollak. Je me disais bien que sa tête, elle me disait un truc. Et c'est qui ? Il a joué dans d'autres trucs, par exemple Usual Suspect. D'ailleurs, oui, d'accord. Un tout autre registre, donc. Il était avec sa peau de bête. Alors, pour rien vous cacher, je les ai trouvés assez insupportables. Rigolo, mi insupportable. J'adore ce film, mais c'est pas évident aujourd'hui. Hein, la frontière. Je comprends. Ils ont quelques répliques. Genre, ils ont le mec sexiste à un moment. Ouais, ils sont un peu les mecs blancs lourds. Quoi. Et c'est pas les seuls. Hein, c'est un des principaux trucs. J'ai l'impression aussi que des fois, le film, pour montrer à quel point, par rapport aux autres, il est progressiste, il va dire des trucs super sexistes pour après dire « Bah non, regardez, on n'est pas exactement comme ça. » Mais eux, ils sont vraiment puissance 10 000, alors du coup, ça, c'est peut-être trop. Ouais, truc, oui, non, c'est sûr. Le film veut trop sa médaille. Mais il ne savait pas à l'époque, mais... Ouais. Mais c'est... Il veut son cookie. Tu parlais des costumes, mais leurs costumes sont vachement cool aussi. Genre, il y en a un des deux, il a littéralement une peau de souris sur lui. C'est oui, la tête. Qu'est-ce qu'il y a en peau de souris, enfin, en tête de souris. Salut, bon immonde. Et donc, ils réussissent à choper Willow et son ami. Et comme je disais, ils les attachent par terre avec des petites cordes comme Gulliver le géant. Enfin, le géant, non. Du coup, pas bien avec les gens miniatures. Ça dépend du point de vue. Et puis, qui sont en train de taunt Willow, et puis t'as la grande fée. Genre, c'est, tu sais, c'est la... Comment ça s'appelle, c'est la... Qui a un très gros sens de la mise en scène. C'est vraiment, genre... Et c'est aussi kitsch que Galadriel. Hein. Oui, ouais, moi, vrai. Elle me fait tout le temps penser à la fée dans Pinocchio. C'est qui arrive avec son halo de lumière. Ah oui, oui. Ouais, j'aime trop, c'est genre, elle fait des zooms et tout, tu vois. Ouais, à un moment, pour avoir la plus impressionnante, elle fait, tu sais, elle éteint toutes les lumières et le son, puis elle arrive en zoomé sur son giga gros plan, ouais. Salut. On fait un spectacle trop près de la webcam. Les mecs, tu sais, t'as Willow et Migosh qui se regardent, ils font, on est arrivé au Futuroscope ou quoi, Ouais, franchement, à un moment donné, j'étais à deux doigts de croire, mais en fait, ils sont défoncés, ils ont mangé des mauvaises veilles, vu qu'ils avaient plus de bouffe à un moment donné, ils ont bouffé un truc qu'il fallait pas dans la forêt. Ah non, mais c'est des zadistes. Ils ont appelé à Poitiers. C'est vrai que c'est des zadistes un peu. C'est vraiment des zadistes un peu. Et t'as, du coup, tu as cette fée qui s'appelle... La vieille. Non, en plus, c'est une de ces fées. Ah oui. Chalindra. Il est con. C'est le prétexte numéro 2, j'ai appelé. La fée holographique qui vient leur dire... On va libérer les Nelwyn et puis vous allez tous... le bébé, là, d'ailleurs, c'est une princesse, elle s'appelle Elora Danan, et puis t'as Willow qui est genre... Ok, mais ça. En fait, elle a le même rôle que... Ahsoka. C'est complètement Ahsoka. Ouais, j'ai entendu, oui, elle s'appelle Grogu, elle est en mode Jedi... Est-ce que c'est transphobe ou pas? Ah non, elle a même pas de page de Wikipédia, l'actrice, plus, donc c'est 100% ça, c'est son nom, c'est elle qui me l'a dit, et Willow, elle t'a choisi ça, toi, pour être son gardien, tu vois, exactement. Ah, mais c'est la même chose. Mais quand je vous dis que The Mandalorian, c'est un remake de Willow, c'est vrai, hein. C'est pas ça pour déconner. Finalement, c'est vraiment le meilleur. Non, on croyait que tu forçais, en fait. Non, vraiment. Comment t'avais oublié? Et du coup, elle leur dit, bah, vous allez devoir la porter à comment ça s'appelle, Gouffre de Haine, ou à Minas Tirith. Fine Raziel. Il faut aller chercher la sorcière d'abord. Voilà, c'est la sorcière qui s'appelle Fine Raziel, il faut aller la chercher et lui rendre sa baguette. Puis comme et ça, après, il faut aller ailleurs. À l'autre forteresse, là. La jeune et belle sorcière Fine Raziel. Oui. Qui est exilé sur son petit îlot qui fait genre. Oula, je te dis. Vraiment, nouvelle quête pour Willow, tu sais. Dans son journal, t'as. Bienvenue dans l'acte 2. Créé à droite. Quête. Allez redonner le bout de bois à la vieille. En plus, ce que j'adore, c'est qu'elle lui fait. T'es pas obligé de le faire, mais si tu le fais pas, tout le monde va crever. Pourquoi ? J'aime bien cette façon de poser les choses. Ok. C'est toi qui choisis. À demain. Obligé, ça nous arrangerait un peu tous si c'est vrai. Il y a moyen. Je peux pas te mentir. Moi, je peux faire des zooms, mais ça sert à rien. je ne suis même pas. Je suis pas palpable. Hein. Je peux pas toucher des trucs. Elle met ses filtres Snapchat là. C'est vraiment. Elle a les gros yeux de biche, tu sais, de Snapchat. Mais c'est vraiment un socle. Et du coup, comme Willow a un cœur gigantesque, il se dit, bon bah je vais sauver le monde, par contre Migosh, toi tu retournes chez toi parce que t'as pas mérité d'être pour cette galère. C'est pas toi qui a été choisi. Et Migosh il fait ok. Migosh il fait oui, d'accord. Allez, bye. C'est quoi, pas de problème. Femme, je l'aime. Oh no. C'est ça. T'as Willow, il fait, t'as cru que il s'appelait Migosh ou quoi, Willow et compagnie. Non, pas du tout, c'est Willow. Alors, non, on n'a pas dit que Willow avait reçu en cadeau de sa femme avant de partir sa tresse. C'est vrai. Elle est tellement belle, sa femme. Voilà. Grave. Je sais pas, n'est plus une Padawan, maintenant elle est maître Jedi. Et elle donne aussi sa baguette magique là, Instagram là. Calindrea. Oui, la baguette, c'est pour la ramener à Fine Raziel. La baguette qui était trop cool, moi j'ai. Après, quand je faisais des balades, je cherchais toujours un bâton tordu comme ça dans tous les sens. C'était pas trop cool. on est sorti beaucoup cette semaine avec les enfants au parc, là, et, parce que maintenant c'est plus mouillé par terre, et du coup, ouais, c'était la fête des bâtons pour faire Des bâtons de mage. Des bâtons de magicien et des trucs comme ça. Ils sortent que quand il pleut pas. Oui, il fait pareil. Comment ? Tu les sors que quand il pleut pas ? Ah, parce qu'il y a des trous dans ses chaussures, donc c'est pas pratique. Ah oui. Il y a beaucoup la gadoue dans le parc en plus à côté. On n'a pas encore des bottes. Ah bah c'est l'Angleterre. Énormément de boue. Bref, du coup, voilà. Migosh retourne dire à Gaïa que son mari l'aime. À Gaïa. Et puis, du coup, accompagné des deux brownies. C'est le mec fan de Rainbow Dash, tu sais. Ils partent avec le bébé et décident de chercher. La pire quête du monde. Ok, je vais faire ton truc, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, par contre, tu ne seras pas seul. D'accord ? Tu seras avec lui là et l'autre. Tu sais, c'est les quêtes d'escorte avec le PNJ qui sont hyper chiants. Il ne faut pas y aller tout seul plutôt. Quand même, ils arrivent à trouver une. Ils trouvent une taverne. Genre le bon endroit pour amener un gamin. Il trouve involontairement la taverne. Il trouve un bar de biker. Genre, il trouve une taverne, mais c'est genre les tavernes dans le disque monde, tu vois. C'est le truc où t'as personne qui est assis, ils sont tous en train de se casser la gueule. Et genre, avec des chorégraphies et tout. C'est un sport. Genre, ouais, il y en a, ils sont là sur les épaules des autres, ils ont des masses d'armes, ils se tapent dessus, mais dans la taverne, quoi. Le truc hardcore. c'est une tradition, enfin, c'est. Tu fais pas ça au bar, toi ? Qu'à un moment, ils essayent de montrer un gars super méchant, alors c'est juste un gars chauve, musclé, avec des tatouages. Un petit peu cliché, tu vois. Et le gars, il a pas l'air du tout méchant. Il fait juste. Oh. À un moment, il fronce les sourcils, quoi. Casse-toi, je te fais cuire. Oui, c'est lui qui les a. Ah oh, oui, c'est vrai. Oui, c'est Facture Willow. Salaud. Ouais, ils sont tous giga racistes, là. Ouais, c'est ça. Et c'est là où c'est cool, parce que le film te montre des personnes différentes subir la différence, littéralement. Là, Willow, dans cette taverne de bikers, ils sont tous validistes envers lui, quasiment. Il y a vraiment que les Daikini, en plus, qui sont racistes. Ouais. Parce que les Bruni, ils appellent les Nelwyn des Nelwyn. Ils appellent les Daikini des Daikini. Les Nelwyn, c'est pareil, ils appellent tout le monde par leur vrai nom. Et t'as les autres, c'est « Casse-toi, Peck !»« Peck, laisse-moi me bourrer la gueule et taper sur ma femme !» Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment... Alors que... Non, t'as pas dit qu'il y a la Willow, poudre d'amour aussi. Oui, on découvre la poudre des cœurs brisés. Qui, déjà ouais mais oui, oui parce que oui. Le chat il avec le chat avec, mais tu vois les chats dans une pinte de bière tous des furies. Ah oui c'est vrai c'est confirmé. Moi j'aime bien ce truc là parce que juste avant il est en mode oh regarde la serveuse là-bas Daikini je me la ferais bien alors que le mec c'est un brownie bah ouais on est rentré en entier dans le vagin tu vois mais peut-être il va faire un peu de vidéo. Et du coup, t'as l'autre qui fait file-moi ta poudre là, et puis ils se battent pour avoir la poudre, puis finalement, celui qui a la souris sur la tête en absorbe un peu, et puis il se casse la gueule, et première chose qu'il voit, c'est un chat. Et il tombe forcément amoureux du chat, vu que c'est la première chose qu'il voit après la poudre. Donc il essaye de poursuivre le chat qui a l'air un peu flippé, genre. Et il atterrit. Bizarre cette souris. Ouais, elle est chelou la souris. Et il atterrit dans une cuve de bière. Du coup, là, il se fait un sacré mélange. Hein, la poudre, l'alcool, il est bien après, quoi. La poudre et l'alcool. C'est tellement des... Non, mais c'est tellement des vieux punk à chien, les deux. Les mecs sont foncés H24, quoi. Pendant ce temps, t'as le deuxième qui est en mode « Hey, Willow, je sais pas si t'as remarqué, c'est pas ouf, une taverne comme ça pour un enfant. » un éclair de lucidité, et t'as, ça vient pas de Willow. T'as des mecs qui font des Daikini qui font littéralement des galipettes qui poussent Willow et le bébé à travers une planche et ils atterrissent dans une pièce où une femme est en mode ciel, mon mari. Et elle dit à Matt Martigan de se déguiser en femme. S'il voit que je suis avec un homme, il va nous tuer tous les deux. Ok, fous ma robe. Et puis, alors, Mad Martigan qui fait « Ok, je me déguise en femme, mais alors mes seins, l'oreiller, quoi, tu vois. » C'est important, ok. On ne néglige pas les détails. Ce qui est très drôle, c'est que plus tard, il sort une pomme de son... Ouais. T'en as combien là-dedans ? Il en prend des trois sacs de pommes. Ah, mais il a... là, c'est pas deux, trois pommes, là, c'est des cubits de cidre qu'il a. Mais c'est drôle parce que encore une fois, on arrive sur quelqu'un dont il y a un changement, tu vois, il y a une transformation et le Matt Martigan qui est à la base le héros guerrier dont tout le monde connaît l'existence parce qu'il se bat mieux que tout le monde, il n'hésite pas à se déguiser et voilà. Il prend des manières en plus de femme entre guillemets, tu vois, quand parce que du coup après t'as le mari qui arrive. T'as Matt Martigan qui fait oh, il a l'air fort. Le mari qui commence à se chauffer aussi. Ah oui, le mari direct. Ah là là, mais quelle horreur. Okay. Elle est pour moi. Genre, c'est qui celle-là? C'est ma cousine. C'est Val Kilmer, je le comprends. Ouais, c'est ça, c'est Val Kilmer. Val Kilmer. Val Kilmer avec des gros seins. En même temps, il a pas en plus genre les yeux maquillés. Oui, il a clairement de l'eyeliner. Il a toujours sa petite moustache, tu vois. Mais ça va, ça passe. Tu vois, le mari, il s'en fout. Elle a des beaux yeux et des gros seins. Ça passe quand même. C'est pas à partir de ce moment-là qu'il est. Pourquoi tu les avais déjà avant? Je sais plus. De quoi ? Les espèces de couettes ou de nattes qui trimballent, ils les avaient déjà avant ou c'est à ce moment-là qu'il est... Je crois qu'il a les tresses depuis le début. On les voit pas trop parce qu'on le voit pas trop de dos en fait au début. Je crois qu'elles sont cachées, ouais, tu sais. Mais genre, tu vois, ça faisait 5 jours qu'il était dans sa cage, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Donc, ouais, c'est ça, il s'est fait des tresses. J'aime bien après parce que du coup, il y a par le pouvoir du no homo, tu vois. Ah. Ouais. Ça, c'est puissant. Mais du coup, le mec est intéressé. Essaye de chauffer en mode je vais te tripoter les seins. Il se fait taper la main par Matt Martigan qui est genre ah non, franchement, pas trop, non. Mais devant sa femme, tu vois, le gars tranquille. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que dans la vraie vie, les mecs, ils se comportent pas déjà comme ça de toute façon. Si, mais c'est une très belle représentation. Je trouve que ouais, c'est le truc le plus réaliste du film en fait. Hein. Ouais. Le seul gars lambda qu'on croise vraiment, c'est une grosse merde. Donc avertissement pour les enfants qui regardent le film. Faites gaffe, ça va se passer comme ça. T'as Willow qui, lui, a reconnu Matt Martigan, qui est en mode putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Et donc Matt Martigan chope le bébé pour essayer de donner plus de crédibilité à son rôle en mode « Ah, regarde, c'est mon enfant. Je suis une maman, tu peux quand même pas me niquer devant mon enfant. » D'ailleurs, il précise qu'ils lui ont volé le bébé pendant qu'il faisait pipi. Oui. C'est merveilleux. Donc, tu vois, comme je disais, personne ne dit qu'il aurait pas tenu sa promesse, mais juste qu'il avait besoin de faire pipi, quoi. Du coup, t'as toute cette scène, et au milieu de tout ce truc, tu as Sorcha, le mec à tête de mort, j'oublie toujours son nom à lui. Sorcha et les Knights of Ren qui arrivent. Exactement. Qui arrivent et qui cherchent des femmes avec des bébés. Et forcément... Ils cherchent dans un bar de bikers, premier endroit. Meilleur endroit pour trouver des bébés. Le pire, c'est qu'ils en trouvent. Et ouais. Là, c'est vrai, il y en a genre deux, je crois. Ouais. Normal. Et puis, il va à Matt Martigan avec le bébé, Matt Martigan qui est déjà là, coup de foudre sur Sorcha. Oh. Sorcha qui arrive. Sorcha outré qui est quelqu'un qui essaie de choper son futur mec. C'est ça, séparez-moi les deux là. Et montre-moi ton bébé, c'est le tien. Oui. Montre-moi son bras. Non. Sorcha qui est en mode, pas cru que le bébé te défonce. L'autre qui la pousse, genre il prend sa main, il la pousse en arrière, t'as tout le monde qui le regarde en mode. Qu'est-ce que cette femme est en train de faire? Oh non. J'adore en plus parce que tu sais, quand le mec c'est tellement un imbo que quand il voit la fille de l'impératrice, tu vois, de la sorcière méchante qui contrôle le monde, le truc qu'il fait c'est oh, oh vous êtes vraiment belle. Ça, ça t'es trop belle. Oui, c'est pas le sujet. Genre, what? Elle lui répond « Vous êtes forte !» Donc, tu vois, en fait, ça la dérange pas que de penser que c'est une femme non plus. Non, elle et Matt Martigan, ils sont clairement bisexuels. Hein. Mm-hmm, tout à fait. Ah oui, bah oui. Et puis, du coup, on découvre que Matt Martigan est un homme. Le mari pète un câble et se met à défoncer la gueule des soldats parce qu'il ne sait pas viser. C'est vrai. C'est l'idiot utile. C'est ce que Grushkov disait, voilà. C'est genre quand Matt Bartigan commence à partir, le mec il est quand même encore en train de défoncer les soldats. Il est totalement en train d'essayer de prouver sa virilité. Ça. Regardez, je suis un vrai bonhomme. Hein. Il essaye de supprimer les témoins en fait. Toute l'armée. Mais en plus, le truc ouais. C'est que. Moi, ça m'a toujours donné l'impression qu'il n'était pas dérangé parce qu'il avait dragué un homme, il était dérangé parce que ça voulait dire que sa femme avait dragué un homme et que sa femme était avec un homme dans une salle. Pour moi, c'était clairement « je m'en fous, j'aurais bien tripoté ses boobs, par contre, ça veut dire que peut-être que ma femme l'a fait aussi, tu vois. » Et là, il y a la meilleure scène d'action qui arrive. Là. Ouais, là, c'est tellement my shit, ce genre de truc. Une scène de poursuite complètement stupide. C'est mais ça marche, bordel, ouais. Mais oui, ça marche, évidemment que ouais. Ça marche. C'est pour ça que c'est bien. Il ouais, y, ouais, ouais. Y a la même dans le Mando. Bah oui, bah tu vois. Tu vois, c'est la même scène. C'est oui, non, mais maintenant que tu l'as dit tout à l'heure, oui, il y a la même dans ils le Mando. Ils ont juste pas balancé des barils dans le Mando. Non, c'est vrai. Et des les barils auraient explosé s'il l'avait fait. J'adore le fait que donc ils volent une charrette avec des chevaux. Et t'as deux mecs à cheval qui les poursuivent. Et les mecs, ils ont genre toute une panoplie d'armes, tu vois. Et genre, ils ont une masse, ils ont des épées, ils ont des shurikens. Genre, oui, ouais, c'est des ninjas, les mecs. Mec, il a pris. Bon, après, Matt Martigan, il a beau le faire BG et dire ouais, moi, c'est moi le meilleur épéiste du monde, il fait pas non plus. Je m'attendais à un peu plus de moulinettes, tu vois. Il en fait, mais plus tard, parce que là. Là, il a pas d'épée. Avec un fléau. À un moment, il se retrouve avec un fléau d'armes et il fait de la moulinette. Mais là, il est pas équipé. Mais il a pas d'armes. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est Star Wars et je m'attends à que ce soit des vrais majorettes et tout. Donc voilà. Là, c'est peut-être pour ça. Non, mais il y a tout un truc exprès par rapport à ça, hein, de build-up de est-ce que Matt Martigan, c'est juste un voleur qui se fait passer pour un mec badass ou est-ce qu'il est vraiment badass? Parce que c'est vrai. Au tout début, comme tu dis, il fait surtout, tu sais, comment ça s'appelle, il évite les coups et il fait de la fuite. Après, on le voit se battre un peu plus et après, le mec, il protège un château tout seul. Non, non, c'est vrai que ça se voit plus vers la fin. Ouais, plus ça va, plus le mec est badass. Mais au début, t'es genre, est-ce que c'est un gars? Est-ce que vraiment, juste le mec, c'est un arnaqueur? Ouais, est-ce qu'il bullshit depuis le début? On sait pas. Les deux. Les deux. Ouais, c'est parce qu'il essaie la technique de la magie, en fait, mais ça marche pas. Donc t'as Willow qui est en mode tu peux pas courir aussi vite, enfin tu peux pas faire aller la charrette aussi vite avec un bébé. L'autre qui est genre en train d'essayer de les sauver parce qu'ils ont quand même deux gars qui essayent de les buter à côté. T'as les deux autres qui font les guignols comme d'habitude en mode moi je me casse derrière un tonneau et moi je me casse la gueule parce que, parce que j'ai le mal de mer. Oui, c'est vrai, il a le mal de mer. Quel un moment où Willow fait la meilleure technique du monde, c'est genre t'as les chevaux d'un côté, les deux gars à cheval d'un côté, eux ils sont sur leur charrette, Willow il prend les rênes, il arrête la charrette, du coup les mecs continuent un peu plus loin, genre maintenant ça suffit hein. On a un bébé à bord, ok. T'as les deux autres qui sont plus loin mais qui finissent par faire demi-tour en mode qu'est-ce qui s'est passé. La porte du fun quoi, Willow, vraiment no fun allowed. Et ils finissent par réussir à se débarrasser des gars. Mais oui, mais justement voilà, quand je disais des fois on a un peu peur pour le bébé, c'était là, je me dis mais pourquoi on le voit pas, il piétine partout, il est où le petit bout? Ouais, c'est parce qu'il bouge le chariot, hein. C'est vrai qu'il est juste le gars. Heureusement qu'elle est magique, elle doit avoir, tu sais, un déstabilisateur, genre ouais. De suspension. Oui, c'est ça. Les suspensions tellement efficaces, et il y a une des roues qui s'en va. Non, je parle pas de la charrette, je parle du bébé. C'était en option, mais ils ont bien voulu les mettre gratuitement parce que c'est l'élu. Donc finalement, ils réussissent à s'échapper, voilà. Ils réussissent à filouter les soldats de Sorcha. Il y a le premier des cris Willem, d'ailleurs, dans cette séquence-là. C'est vrai. Ouais, ah, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est seulement le premier. Il y en a un paquet. J'en ai compté que deux. Deux ou trois. Au moins trois. Ouais. Il y a un moment où il y en a deux qui sont assez rapprochés. C'était aussi. Genre, Grushka, il fait « Encore ?» Mais du coup, ils sont dans un champ, et puis t'as Willow et Mad Martigan qui se disputent. C'est original. Ouais. Willow lui dit peut-être qu'en fait, on a besoin de toi quand même, parce que t'es un Daikini. T'as Mad Martigan qui est genre « Non, moi je suis un héros solitaire. Par où vous allez ?» Par le lac. Oh merde, c'est ma route, on va être obligé de faire un... J'adore comment ils crient à ce moment-là. Quand tu marches, c'est vraiment, tu sais, les gros pas de gamin énervé, tu sais, genre en tapant du pied, tu vois, c'est très drôle. Oui. Et du coup, ils décident d'aller vers le lac parce que dans le lac, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une petite île sur laquelle se trouve la sorcière Finraziel. Ouais. Ils doivent y aller en bateau et en bateau. Ils ont laissé Warwick faire du bateau tout seul et tu vois qu'il était il galère. Pas super à l'aise. Genre la façon dont il fait, il va juste faire des tours. C'est des ronds. Ce que j'adore, c'est on va trouver un gros bateau au village. Déjà, le village, il a cramé. Du coup, bon. Ouais, puis il y a une vieille barque. C'est un bout de tronc avec un trou dedans, quoi. Je suis en train d'imaginer Warwick faire des ronds dans l'eau pendant 10 minutes avec Ron Howard sur la rive. Ouais, c'est bon, coupé, allez, voilà. Du coup, Elora est avec. Mad Martigan s'est barré. Elle a dit: bon, c'est bon, j'ai fait le bout de route avec vous, je m'en vais. Les deux brownies sont avec Elora sur la rive. Déjà, le mec, il a confiance, tu vois. Genre, ouais. Je laisse le bébé sur la rive avec vous. Allez, bye. Il arrive sur l'îlot, et d'ailleurs, ce que j'adore, c'est que c'est vraiment un petit îlot. Tu vois le. Ça fait genre quelques mètres, tu vois qu'il y a personne. Il n'y a pas une cabane, il n'y a pas une cahute, rien. Oui, j'y vais quand même. T'as juste des cadavres, t'as juste des squelettes sur le bord. T'es genre ok. Et puis il fait bon, il n'y a personne, c'est la merde. Et puis tu entends une petite voix. Qu'est-ce que tu fous là? C'est comme ça qu'elle dit en VF. J'aurais bien aimé voir ça, toi. Et tu vois un opossum dans un arbre. Mais c'est pas un opossum. Si, pardon, c'est un opossum. C'est un loir. Sur Wikipédia, ils appellent ça un phalanger, mais c'est vrai que... Moi, j'avais dit opossum aussi. C'est un loir. Oh, bref. C'est pas un opossum. Non, moi, je pensais que c'était un opossum aussi. Ouais, non, c'est vraiment un opossum. Ah, Wikipédia anglais, ils disent brush-tailed possum. Ah, ouais. Donc ouais, un opossum. Ça passe, alors. C'est pas un opossum, c'est un possum, attention. Mais non. Il a perdu les os. C'est un trichogorus. Et qui se révèle être Finraziel, la sorcière. Et du coup, t'as Willow qui est genre « Maintenant, t'es un opossum ?» Et puis elle est « Non, mais c'est Bav Morda, elle fait ça, elle transforme les gens en animal. » Ok. Ah, sacré Bav Morda. Plus tard. Moi, ce que j'aime bien avec Willow, c'est que jamais il désespère. Il n'y a pas un moment où il lâche l'affaire, où il dit non, c'est mort. Alors que ça finit jamais comme il veut, tu vois. C'est genre, ah, tu vas trouver la sorcière, il trouve un opossum. Tu vas avoir une cité derrière toi, c'est un vieux château mythe. Je suis chez mes carottes depuis longtemps, perso. Enfin... C'est pour ça que personne te confie quoi que ce soit. Exactement. Mais non, mais c'est vrai que ça marche bien parce que. C'est pas, tu sais, genre le vieux sage, enfin la vieille sage dont on pouvait s'attendre. Et c'est là où tu vois bien que ça a été écrit par, enfin, ça a été pensé par George Lucas, parce qu'en fait c'est clairement Yoda. Tout à fait. Non, Yoda c'est le mec. Ouais, si, il y a beaucoup le côté endroit désolé Yoda, mais le côté loufoque de Yoda, ouais. Il se retrouve surtout dans le sorcier du village. Ah ouais, en fait, ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, il y a quand même ce côté où il lui dit, bah non, t'es pas une sorcière, voilà, ouais, parce que justement, elle a pas trop l'air, donc finalement, il le partage un peu. Oui, côté de Luke qui découvre Yoda. Il y a la première rencontre aussi où Luke est très cartésien, genre, mais non, tu peux pas être un maître Jedi, t'es un vieux truc. Mais là, du coup, c'est presque une parodie parce que c'est vraiment un opossum, tu vois. Et ce que j'adore, c'est qu'elle est super, tu sais, dignified, elle est très solennelle. La sorcière est en mode si, je suis une sorcière ultra puissante, c'est juste que là, je suis pas au top de ma forme, tu vois. T'inquiète, je me demande comment ils ont fait d'ailleurs, hein, parce que encore, voilà, dresser des chiens pour les transformer en chiens monstrueux, ça passe, mais un opossum. Genre, bah, tu sais, pour dans Nanny McPhee, ils ont dressé une grenouille, alors. Ah oui, quand même. Bon, ok. Non, mais c'est des brownies dans l'opossum. C'est une marionnette, en fait. C'est dégueulasse. C'est comme Jabba, mais avec des brownies à l'intérieur. C'est Donc, ouais. Il ramène Finn Raziel sur la berge. T'as les brownies qui sont genre... Ah, super. Ah, bah, c'est un opossum, la sorcière. Okay, ça va bien. Et là, Sorcha arrive avec le guerrier en chef avec sa tête de squelette, là. C'est le... Son c'est Kael. Oui, c'est vrai, c'est Kael. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que certains des méchants, dont celui-là, en fait, c'est des noms... Ça, c'était une... Enfin, c'est d'après une critique de film assez célèbre à l'époque, qui était super, super vénère, Pauline Kael. Et bah, Lucas a donné son nom de la critique à ce personnage-là. Donc, il devait beaucoup aimer les critiques de films à l'époque. C'est ce qui est top. Le mec se vend. Oui, c'est vraiment le mec. Un peu plus loin, il y a un gros monstre, on va en parler après. Bah, pareil, lui, c'est la contraction du nom de deux autres critiques. Quand est-ce qu'on aura Shapiro comme nom de monstre? Oh merde, j'ai encore marché dans le Shapiro. Ah, peut-être avec... Ah, Teichelberg. Et donc, ils arrivent avec... Alors, il faut préciser que Matt Martigan était en robe de femme. Il s'était fait un super pantalon avec la robe, parce que le mec, plus, il sait arranger les vêtements. Hein. C'est bah, dire à quel point il est coquet. Il avait trouvé un petit pull. Il était ultra bien arrivé. Il arrive, il est à poil. Son pantalon est déchiré. C'est genre, il est même moins couvert que les brownies en peau de bête. Il est en mini-jupe. J'aurais dit en slip, mais oui. Et il est vraiment genre à poil avec, tu vois, qu'il s'est pris 2-3 coups dans la face. Et il s'excuse auprès de Willow parce que bah, c'est... Il l'a balancé. Voilà. Et donc ils se font juste au moment où l'armée arrive, Willow était censé aider Finn Raziel à se retransformer en humaine. Ça échoue parce qu'il sait pas encore bien utiliser la baguette et elle est maintenant un corbeau. Non, c'est pas plus tard ça. Non, je crois que c'est pas quand ils sont enfermés, ah non, c'est ça. Le truc, c'est vrai. C'est quand ils s'échappent, pardon. Ah oui, c'est juste après. Ouais. Laisse Adrien raconter. Non, attends, vous, c'est tout frais. Moi, la dernière fois que j'ai vu le film, c'était il y a genre 2 mois. Donc, je me rappelle bien. Non, bah, c'est vrai. Comme tu l'as vu 48 fois, ça suffit pas, non? Ouais, mais. Non, pardon, c'est vrai, je me suis trompée. Non, mais du coup, c'était juste après, parce que là, ils se font amener. Voilà. Ouais, elle leur apprend la formule magique quand ils sont en chemin. C'est vrai, quand ils sont traînés par les chevaux. Ouais. Et c'est là d'ailleurs que Mad Mortigan il se prend un coup de pied dans le nez. Ouais, Mad Mortigan et Sorcha flirtent. Sorcha est beaucoup moins dans le flirt que lui. Raylo style. Et ah, c'est vrai, il est complètement monté à ça. D'ailleurs, ils l'ont rhabillé quand même, hein, parce que c'est un peu de décence. Non, même pas, hein, il est toujours en slipax avec ça. C'est pas lui qui t'a rhabillé en noir à un moment donné ? Je me souviens plus. Non, c'est quand il est dans la cage après, quand il fait froid dans la neige. Mais quand ils se font traîner. Il fait froid quand même. Ils sont attachés à des chaînes, à des chevaux, et lui, il est en silipax et en botte tout. Ah oui, c'est vrai. Et donc, il se prend un coup de pied dans les dents par Sorcha, qui lui envoie punchline sur punchline, tu sais, mais c'est la meuf cool qui s'en rend pas compte. C'est genre, moi, j'envoie des punchlines, mais c'est parce que je suis vénère, tu vois. Et donc, Finn Raziel, l'opossum, essaye d'apprendre la magie à Willow pendant qu'il marche. Willow finit par tomber d'ailleurs parce qu'il est épuisé parce qu'ils se font traîner par les chevaux et il se fait aider par Mad Mortigan qui le porte pour qu'il puisse finir le chemin. Ouais, sur ses épaules, c'est trop mimes. Ouais, d'ailleurs t'as Willow qui est en mode il essaye de parler à Sorcha en mode hey, mais le bébé il a faim là, il est pas trop à l'aise, moi je sais bien m'en occuper, est-ce que je peux juste lui donner à boire? Et puis elle lui genre ta gueule pec. Et là, c'est là en plus où t'as Mad Mortigan qui est en mode ouais, moi je vais te taunt, tu vas voir comment tu parles à mon pote, et ça finit mal. Oui, mais c'est drôle parce que c'est vraiment le Han Solo de cet univers, mais il a un côté. Il est vraiment ambivalent et ça modifie. Enfin, il change vite, Mad Mortigan. Il devient vite gentil, mais en même temps, il a quand même ce côté. Il reste ce côté bête. Très... C'est ça. C'est parce que c'est un mec qui a un grand cœur, mais qui veut pas. Tu sais, c'est genre, moi je suis un rebelle badass, tu vois, mais que pour ma pomme, alors que le gars, dès qu'il y a le moyen d'être un héros et de sauver tout le monde, il est, j'arrive. Ouais, en plus, il aime bien ça, passer pour un gentil. Et donc après, c'est là où ils sont dans le camp enneigé, dans une cage, et Finraziel lui dit « Bon, bah maintenant que je t'ai appris la formule magique, transforme-moi en humaine. » Et t'as Mad Mortigan qui fait la conversation en même temps, genre « Hey, tu ressembles à quoi quand t'es humaine ?» Ah bah je suis une femme très belle. Ouais, ouais, vas-y, transforme-moi. Let's go. Ouais, mais en plus, t'as Finraziel qui lui dit « Ouais, qu'on sorte de toi », et puis t'as juste tout le monde autour qui fout le zbeul en permanence. C'est vrai. Les deux autres. Qui sont en mode hey, « nous, on peut vous aider et tout. Enfin, » Donc Willow échoue, transforme Finraziel en corbeau. Moi, j'appelle ça un progrès quand même, parce que elle peut voler. Oui, à chaque fois, c'est un progrès. Non, pas la à chaque fois, je sais pas. Là, c'est un progrès. Et du coup, Mad Mortigan utilise une des petites lances de Brownie pour défaire la serrure de leur cellule, de leur cage. Et ils sortent de la cage. Et ils disent, bon, maintenant, il faudrait peut-être qu'on récupère Elora et puis qu'on se casse. Puis surtout, il y a Mad Mortigan qui se prend un peu de poudre de cœur brisé dans la tronche. Dans aïe, aïe, aïe. C'est ça. Parce que... Le mec est complètement stone. Après, il dit, ah ouais, ah, je me sens bien et tout. Ouais. Non, là, il est trop, trop marrant. Les brownies n'étaient pas contents qu'on leur pique leur lance et qu'on fasse leur taf à leur place. Donc, ils lui foutent un coup de sac sur la tronche. Et c'était un sac de poudre de cœur brisé. Donc le mec est tout stone, genre il suit, mais tu sais c'est vraiment dans les jeux vidéo quand toi tu dois te cacher et que tu sais t'as tes compagnons là qui se mettent jamais à couvert, genre toi t'es à couvert, t'es trop coupé, ils sont debout à côté de toi en train de regarder à couvert. Oui bonjour. Et le mec c'est littéralement ça. Et ils arrivent à la tente de Sorcha, et Sorcha est endormie et a gardé Elora dans sa tente. Et ils sont tous en mode, oh, qui va chercher le bébé? Et puis Mad Mortigan est, ouais, moi j'ai l'habitude de ça, j'y vais. Ah bon? Ok. T'inquiète, j'ai joué à Splinter Cell, j'y vais. Et alors qu'il va pour libérer, pour récupérer Elora, la poudre des cœurs brisés fait effet, et il va vers Sorcha et il commence à lui déclamer ses plus beaux vers de poésie. Et t'as tous les autres qui sont en mode « Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Sorcha finit. Surtout, voilà, la poésie, elle est moyennement prise. Sorcha qui finit par se réveiller, qui se fait « Putain, bouge ton cul, crétin, je te jure, je te plante !» Et le mec commence à lui faire, tu vois, lui déclamer des trucs d'amour, et tu vois qu'elle est genre « Oh la vache, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça !» Ouais. En plus, t'es beau gosse, mais genre, t'es juste vraiment très con. tu sens que, en fait, genre, elle le déteste autant qu'elle l'aime, en fait, Mad Mortigan. Ouais, le mec, il lui fout ça, la main sur facile, la. Quand même, hein. Le mec, il prend sa main, hein, il la fout contre son cœur, tu vois, et il fait regarde, sors mon cœur, machin, et tout. Et meuf... elle lui fait genre, t'as peur. Non, je t'aime. Et puis le. Il enlève sa main et elle reste la main sur la poitrine. Tu sais qu'elle voit, elle regarde sa main, puis tu vois ses doigts qui bougent un peu en mode. Elle est grave ornée, tu sais. C'est grave. Par contre, je crois que juste vraiment très con, ça décrit très bien le personnage en fait. C'est vrai. Je pense que dans leurs notes, Lucas, ils avaient un petit papier et marqué le nom du perso, il y avait juste vraiment très con en dessous. C'est un peu vieilli quand même, ça. Le fait que ce soit un gros lourd insistant avec Sorcha, bon, c'est là où, comme tu disais tout à l'heure, Grushkov, le film a des des moments un petit peu limites. Il s'en sort bien parce qu'il s'arrête avant de faire une connerie déjà. Oui. Il est pas si gros lourd que ça parce que techniquement il est pas en train de le. Enfin, il est vraiment juste en train de dire de la poésie. C'est vrai. Il y a pas de. Voilà, c'est pas consciemment, ouais, il est pas en train de la forcer à quoi que ce soit, il est juste en train de lui déclamer de la poésie. C'est vrai que c'est pire, hein, parce qu'il la force pas, quoi, comment dire. Et c'est elle qui est en position de force, hein, c'est elle qui a une arme à la main et qui est en mode... Mais même, même quand elle dort, il fait rien. C'est vrai, il est juste pour qu'on Il est penché sur elle, tu vois, mais il est pas genre en train de la, la dénuder ou faire des trucs horribles, tu vois, il est vraiment juste en train de lui parler comme un... Il est trop con, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on l'aime. Oui. Et c'est ça en fait. Et elle, elle a pas été touchée du tout par la poésie. Elle se dit waouh. C'est con. C'est vraiment Ingo. C'est littéralement la relation de Ray et Ben. Hein. C'est pareil. Il est con lui, mais il a des gros pecs. Mais c'est 100% ça, tu sais, en plus il a voilà, il a son haut noir là qui est ultra décolleté, on voit ses super pecs en dessous. Ah, ça. C'est vraiment la scène de Kylo shirtless là, c'est qui a fait les costumes, mais faut lui envoyer une lettre de félicitations. Grave. Et tu as Kyle qui arrive avec Willow et le bébé en mode hey, tu t'es fait voler le bébé. Il arrive, tu sais, t'as Sorcha dans les bras de de Matt Martigan qui est en mode Non, non. Excuse-moi. C'est rien passé. Elle s'est trahie parce qu'elle pense que Madame Tigane, c'était une ruse, en fait. Ouais, pour... Elle est sale, Tigane, mais pendant longtemps. Ouais. Il lui... Il s'embrasse pendant que la tante leur tombe sur la face et il s'échappe. Et... t'as Mad Martigan qui a réussi à récupérer une épée qui commence à défoncer tout le monde. Là, tu commences à le voir se battre et tu te dis « Ah !» Il y a peut-être quelque chose. Ouais, et puis là, quand il y a une épée, quand même, il commence à faire des petits moulinets avec. Hein. Alors que le mec, il est stone, tu vois, en plus. Ouais. Et t'as Sorcha qui sort de sa tente en chemise de nuit, et puis qui le regarde se battre en mode... Ah ! Ah, il est con, et il sait se battre. Ouais. On revient à Star Wars, c'est la même chose. C'est ça. Tu sais, elle est vraiment au milieu du champ de bataille en train de le regarder se battre. En... Merde, je suis confus. Il prend un bouclier et il s'en va en faisant de la bulle. Oui. Pendant que t'as tous les guerriers en mode qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la fin du rail dans Luge est quand même il est merveilleux. avec Ben Martigan qui arrive en boule de neige. Ouais, c'est tellement cartoon, ça. Mais mon frère bien et moi... Toujours... Non, excuse-moi. Je disais, mon frère et moi, on était obsédés par cette scène parce qu'on se demandait si c'était possible dans la vraie vie, tu vois, de devenir une boule de neige dans la neige. Et on ça fait rêver les enfants. Du coup, on a essayé pendant 6 mois. On n'a jamais réussi. C'est absolument ce que je me disais, c'est qu'en fait, ouais, tu sens bien que George Lucas, le public même qu'il vise, ça reste le même que pour Star Wars. C'est des jeunes enfants, quoi. C'est un film pour faire rêver et c'est ça qui fonctionne chez lui, quoi. Oui. Et ça marche à fond. Ouais. Oui, c'est ça. On parlait de l'acting qui était over the top. Bah, là, c'est pareil. Hein, comme ça. Il y a des séquences. Alors, ils ne se sont pas retenus et du coup, ça, c'est... Bah, au final, c'est un truc qui date de 1988, mais c'est. C'est rafraîchissant en fait de voir des trucs où ah ouais c'est kitsch mais en même temps c'est marrant quoi. Ouais, mmh. Et donc t'as Willow sur sa luge avec Elora, Mad Martigan qui se casse la figure, qui commence à rouler. Plus loin il y a les gars qui commencent à prendre leurs chevaux et à venir. Et puis Willow atterrit en plein dans une maison dans un village, suivi de près par Mad Martigan qui s'explose contre la façade de la maison. Ce que j'adore c'est que les villageois ils voient ça, ils sont genre ok. Ça m'est arrivé tous les 3 jours. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver en luge dans ma maison qui a défoncé probablement 3 étagères. Tout va bien. Touristes. Mais oui, ça leur arrive tous les 3 jours, il n'y a pas de souci. Hein. C'est la routine. Ils appellent ça un mardi. C'est les stations de ski, c'est les touristes bourrés, ils ont l'habitude. Puis, c'est le début de la saison. Ils voient que les guerriers arrivent et du coup, ils commencent à cacher les femmes et les enfants. Et t'as Mad Martigan qui demande à un des villageois on peut se cacher aussi parce qu'on est vulnérable. Et le gars, il est ouais, pas de soucis, on vous emmène. Donc vraiment sympa, le village vraiment adorable, tu vois. Genre... Je pense qu'en même temps, tout le monde déteste la reine de l'impératrice. Oui, c'est vrai. Tout le monde la déteste, donc ouais. Bah, tout le monde est partout pour les aider. Quoi. Si elle arrêtait de kidnapper les femmes enceintes, peut-être que ça passerait mieux. Et donc il se retrouve caché dans le sous-sol d'une maison par une petite trappe dans le plancher en bois. Et on retrouve Erk qui est là, qui a perdu ses hommes. Qui dit qu'ils se sont fait défoncer, ouais. Et je t'ai sauvé la vie en fait en te laissant dans la cage parce que sinon tu serais mort. J'ai fait exprès. J'ai fait exprès de te laisser mourir dans la cage. C'est pour pas que tu meurs. Toute cette scène-là dans la maison, tu vois à quel point Erk il a un giga crush sur Matt Martigan, genre la façon dont il le regarde tout le temps avec des yeux brillants et tout. Mais oui. Mais non, mais c'est du respect. C'est genre... Ah, mais c'est 100%, oui, ils sont très bons amis. Toute la... C'est 100% les bisexuels qui se rendent pas compte qu'en fait l'autre est aussi, tu vois, potentiellement gay, et du coup ils sont genre ouais, moi je serais intéressé, mais lui jamais, mais tous les deux. S'ils se regardent comme ça, fait putain, j'ai vraiment envie de le respecter. Non, mais tout le monde est queer hein, dans ce film, c'est incroyable. Hein. Et t'as. Ensuite, Sorcha, puis Kale et tout, qui arrive, qui commence à fouiller le village, tabasser deux, trois personnes. T'as Elora qui se met à pleurer, et Finraziel qui fait des bruits de corbeau en mode « Non, non, t'inquiète, c'était pas un bébé, c'était moi. » La pire diversion de l'univers. T'as Kale qui est en mode « Oh, bon, moi, je vais chercher ailleurs, parce qu'ils sont probablement pas là. » Genre « Genius !» Il y a probablement un autre village à 5 km, il doit être là-bas. Et Sorcha reste. Sorcha, qui est la seule personne intelligente, qui se dit hey, si je soulevais le tapis. Et sous le tapis, il y a une trappe. Et sous la trappe, il y a son futur mari. Et si je le soulevais aussi. Donc elle descend, elle se fait prendre. Ça va vite. En otage par Matt Martigan, qui sort et qui utilise ça en mode aux gardes. Moi, j'adore cette scène. Je l'ai jamais vue dans aucun autre film. La façon dont il fait si vous lâchez pas vos armes, je la bute, et ils balancent tous leurs armes en mode. Okay. Ouais, ok, bon. En même temps, ouais, c'est la reine. Après, dès qu'ils se retournent et qu'ils partent, ils sont tout de suite. Allez, papa, on reprend les armes, c'est super. Mais c'est trop drôle, les mecs qui vont pour prendre leurs épées et puis qui se font défoncer par les villageois. Du coup, Matt Martigan a essayé quand même de convaincre son autre crush de venir avec lui. L'autre a fait genre, non, tu es complètement fou. En plus, mec, d'habitude, t'es juste un voleur et tout, là. Pourquoi est-ce que tu veux essayer de sauver le royaume? C'est trop chelou, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, ils se séparent. Erk qui reste protéger le village le temps que Matt Martigan, Willow, les Brownies, et Laura Danan et Sorcha s'échappent à cheval. Et donc, ils décident d'aller là où Finraziel leur a dit d'aller, qui est une cité où il est censé avoir un roi ou je sais plus quoi, enfin un peuple puissant et qui sera allié avec eux et qui va leur donner une armée pour aller combattre Bob Morda. Sur le chemin, t'as Matt Martigan qui est en mode « Hé, quand j'étais bourré, je t'ai vraiment dit des trucs loulous !» Et qui se fait défoncer. L'autre qui lui fait « Ouais, tu m'as dit ça ?» Il fait « Oh, bah, je le pensais pas, j'étais pas dans mon état normal. » Et la meuf qui est genre trop vexée, genre « Ah bon ?» Ah ouais, et ça, tu le pensais aussi ? Et ça, hein ? Et ça, hein ? Quand tu m'as mis la main sur le cœur, tu le pensais aussi. Allô ? Ils font tellement salty. Les deux qui se tournent autour et qui font genre « Non, on se déteste. » D'ailleurs, oui, il y avait un moment où Matt Martigan, Willow, lui reprochait d'avoir dit de la poésie, et puis il fait genre « Mais pourquoi je lui ai dit que je l'aime ? Elle m'a donné un coup de pied dans les dents, je la déteste. » C'est vrai. Oui. Elle m'a frappé en visage. C'est CM2, tu sais, qui après s'être pris un radeau, il est là « De toute façon, elle est pas gentille. Hein. » Et surtout, ouais, même dans le même esprit, quand finalement elle réussit à s'échapper, elle est outrée de voir qu'il continue pas de la poursuivre et qu'il repart dans l'autre sens. Oui, elle se retourne elle s'arrête, elle se retourne en mode bon, il me poursuit là ou quoi, parce qu'il m'a toujours pas rattrapé. Et puis elle voit qu'il est en train de partir. Bon bah ok, bah je vais voir Kale. Parce qu'à ce moment-là, l'armée de Kael est en train de les rattraper. Finn Raziel, qui a fait son job de corbeau, les a prévenus. Ils arrivent au château et en fait, ils découvrent que en fait, tout le monde est en pierre. Enfin, ils sont dans des pierres. Ils sont dans des cristaux. Oui. Dans des pierres. Enfin, c'est le bazar. Ils sont tout seuls. Et puis, Mad Martigan marche dans un chapiro et il se rend compte qu'il y a des... Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait... Il arrive quand même à reconnaître les trolls en marchant dans le chapitre. Dans leur kika. Matte painting, vachement sympa dans le film, pense, parce qu'on le voit en matte painting, le château au début. Ils sont... Encore que celui-ci, c'est peut-être celui qui marche un peu moins bien, mais il y en a tout un tas qui sont super jolis et qui s'intègrent tellement bien. Il y a tout un... C'est marrant parce que 88, j'ai l'impression, c'est un peu vraiment la charnière où on arrête un petit peu le côté artisanal des films, on passe vraiment sur les ordinateurs. Et le film a encore un côté charmant pour justement tous ces effets manuels entre guillemets qui sont encore là, qui sont un peu vieillots, mais ça lui donne un cachet assez sympa au film, notamment les matte paintings. Ben, le truc, c'est que voilà, surtout à cette période-là, je pense qu'ils sont vieillots, mais ils sont maîtrisés, quoi. Ah oui, ils sont excellents, les matte paintings. C'est ça le truc. C'est vrai. Et du coup, on sait qu'il y a des trolls et des gens en pierre. Mais du coup, ça veut dire que Brave Mordal avait plein de glands. Non, c'est les trolls qui pétrifient les gens, je pense. Non ouais, pour moi, c'était les trolls qui pétrifiaient les gens. Ah oui. Non, moi, j'aime bien. Parce que dans le folklore, ils sont comme ça. Et surtout, on l'a pas dit, hein, mais Willow répète à plusieurs fois dans le film « I hate trolls ». Donc voilà, il déteste les trolls et forcément, il tombe sur des trolls. Et comment il sait qu'il est de réaction déjà rencontré c'est une bonne question, ça. Je pense que ça vient des histoires. Je pense qu'ils ont des livres d'histoire sur les créatures. Il y a même ces gamins qui lui demandent avant qu'ils partent « Hey, comment tu vas faire si tu rencontres ça ?» Donc c'est peut-être des histoires qu'ils racontent aux enfants. Ou c'est encore une référence à Tolkien. Il y a une grosse référence à Tolkien sur le rencontrer les trolls et puis les trolls qui transforment en pierre, etc. Il y a une grosse baston. Voilà, il y a l'armée qui arrive, il y a Mad Martigan qui fait t'inquiète, je gère, qui ferme les portes mais pas la herse, comme disait Koshkov. Vrai. J'étais comme un ouf, moi, genre, on a vu la herse hein, sur le plan extérieur, les gars. Vous essayez de me la faire à l'envers ou quoi? Et qui, du coup, trouve la salle d'armes, a le temps de mettre des pièges partout, se trouve une belle armure. Fait son shopping. Ouais. C'est ça, il fait son glow-up. Pendant ce temps, t'as Willow qui essaye de trouver un endroit safe où mettre Elora, et puis qui a chargé la catapulte, et qui se retrouve face à un troll. D'ailleurs, Grushkov qui se souvenait plus de comment on découvrait le troll qui grimpait sous le pont, là, et que t'es « Oh putain, mais c'est comme ça qu'ils sont !» Oui, oui. Ouais, il fait flipper ce troll là qui marche dessous là. Mais ouais. Oui. On dirait l'exorciste. C'est vraiment flippant dans ce film. Et les bruits surtout. On n'a pas parlé des bruitages qui ont été faits par Ben Burtt, il me semble aussi. Je crois. Et, ouais. Et les bruitages des trolls sont terrifiants. Ouais, c'est une espèce de comme ça, mais en criant, tu vois, ils ont une espèce de cri en même temps de. Ouais, mais quand t'as un troll qui crie sur Mad Martigan avec Mad Martigan qui crie sur le troll, du coup. Ah, c'est trop drôle. Vraiment 100% son énergie, ça. Il est tellement con, c'est incroyable. C'est que ça marche. Il est con comme une chaise. T'as Willow qui essaie de lancer ses glands sur le troll. Et du coup, il utilise la baguette. De Calindrea le troll s'arrache la peau de l'intérieur, devient un espèce de cerveau dégueulasse géant. Ah ouais, disons que c'est dégueu. Ouais. Ouais, c'était grave. La baguette. T'as, du coup, Willow le pousse dans la flotte et le truc fait dans la flotte. Et puis, ok. Il y a un autre troll qui arrive. Donc, c'est bon, tranquille. T'as une des scènes qui est 100%. L'énergie aussi de Mad Martigan qui est genre tout seul face à l'armée qui se lève en mode Aaah! Tu vois, et l'armée qui recule en silence, mec il est trop fier, puis il se retourne et il y a un dragon à deux têtes. Alors, notez juste que moi il était tard quand je l'ai regardé et j'étais en train de m'endormir vaguement pendant toute cette séquence-là. Donc, je m'endormais, je me réveillais, il y avait un truc dégueu à l'écran. Je me rendormais, il y avait un cerveau dégueulasse. C'était la fête, hein, vraiment. C'était le meilleur moment du film. C'est vrai que je dois admettre que les scènes de baston finales sont peut-être un chouïa longue. Par rapport à tout le reste du film qui est vraiment excellent. Cette séquence, peut-être il y a un petit souci de rythme, mais c'est pas. Ouais, c'est pas... Bah, je sais pas, moi je les ai trouvées assez cool. Elles sont cool, hein, c'est juste que moi je devais être mort de fatigue de toute façon. Oui, bah c'est à dire que regarder à 3h du matin, c'est pas forcément une question. Il n'y a pas de conditions optimales. Il n'y a pas d'heure, hein, pour le coup. Oui, j'ai regardé à 10h du mat et ça s'est très bien passé. Mais moi, tu avais fait un bon gros dodo avant. Le fait que le troll se transforme en cerveau dégueulasse qui se transforme en dragon à deux têtes qui crache du feu. Oui, tu te dis que ça pourrait aller plus vite. Il n'y a pas besoin de passer par les étapes. C'est vraiment ILM qui sont là en mode « Regardez quand on a des grosses couilles, on fait des trucs qui dégueulassent à l'écran avec nos effets spéciaux. » La créature est animée en stop motion et ça fait partie de ces effets un peu vieillot mais maîtrisé et vachement sympa qui donne Je trouvais qu'il marchait mieux que Matt Mertigan par-dessus sur fond vert ultra mal incrusté C'était pas si mal quand ils sautent dessus pour moi le pire c'est les brownies le pire c'est vraiment pas beau le truc qui ressort le pire c'est les brownies surtout en HD maintenant. Tout le début en incrustation là, il est quand même bien crade. Mais globalement, le film s'en sort encore très bien maintenant. Il n'y a pas à rougir. Hein. Et il a mieux vieilli que moi. Moi, j'ai bien aimé le design du dragon qui est une espèce de patte de comment ça s'appelle de tortue qui a une tête, tu sais, toute gonflée en dessous, avec le museau retroussé. Sa tête me faisait penser à des têtes d'oie, mais à la place du bec, il y a des grosses dents, quoi. Ouais, avec l'espèce de bosse sur la tête et tout. Je vois ce que tu veux dire, J'aime beaucoup ce design, parce que c'est vrai que les dragons, après, ils ont beaucoup eu tous la même tronche, si tu regardes ceux dans... les wyverns dans Game of Thrones, si tu regardes dans le Hobbit et tout, c'est un peu tous le même style de dragon et tout. Et alors que là, t'as vraiment un truc qui a pas d'aile, qui a une tronche vraiment à part. Mm-hmm. Donc, Matt Mertigan voit le dragon, il fait ça va être encore pour ma pomme de jouer le héros. Oh là là. Et puis il saute sur le dragon. Ta sœur chat. Qui le regarde se battre depuis le début contre tout le monde, elle a arrêté de se battre, elle le regarde juste, elle le voit sauter sur le dragon, elle fait « Ok, je change de camp, c'est bon. » Ah ouais, mais là, ça se voit direct, elle se dit « Ouais, non, ok, si, c'est le bon, il est bien. » Je vais changer de sous-vêtement, et je reviens. Aussi con et aussi sexy, je peux pas résister. C'est ça, en fait elle est ornie pour les skills de combat, tu vois. Ouais, la meuf, elle a la poésie, ça lui a rien fait, mais là, par contre, la bagarre. Elle a dit bonjour, monsieur. Ça. À mon avis, elle s'est dit aussi. Bon, on est foutu, on va crever. Donc crever pour crever, autant le faire dans les bras de l'homme que j'aime, quoi. Sauf qu'il crève pas. Oups. Voilà. En fait, la meuf, elle avait des standards ultra périssis depuis le début, mais personne les avait rencontrés. Tu vois, elle voulait un mec qui soit beau. Tu vois, faut que le mec il soit beau. Qu'il soit sensible, tu vois, qu'il ait pas peur de parler de ses émotions, qu'il soit super stylé en armure et qu'il chevauche des dragons pour les buter à lui tout seul après avoir battu une armée tout seul, tu vois, c'est juste ça, c'est critique. Ça va, et vraiment croyant en vos rêves. Pendant qu'on parle de Sorcha, y a Kyle qui a récupéré bébé et qui s'enfuit avec. Willow qui a réussi à tuer deux mecs, hein. Il embroche un des gars avec une lance et les deux se cassent la gueule dans les escaliers et crèvent. L'accident. Et Kyle se barre avec Elora. Ouais. Et il remarque que Sorcha est en train de rouler des pelles à Matt Mertigan. Il est trop triste. Quand Willow est désespéré, là. Le sens de priorité. Il fait de la peine, là. Il pleure, là. Ouais. Il est adorable. Non, mais c'est là où ça marche très bien, c'est que Willow, enfin Warwick Davis, il joue merveilleusement bien et tu sens que alors, c'est, il déborde c'est de juste... charisme. Ouais, ouais. Warwick Davis. D'ailleurs, on l'a pas dit, il y a le running gag de Finn Raziel qui se retrouve transformé en autre chose, qui cette fois se retrouve ouais, en chèvre. S'était retrouvé transformé en chèvre juste avant que l'armée arrive, pendant que Matt Mortigan était occupé avec Matt Mortigan. C'est le meilleur moment, clairement. Mais oui, Matt Mortigan qui voit la chèvre et qui, la chèvre qui lui parle et qui fait. Si vous êtes en... Qu'est-ce qui vous est encore arrivé à vous? Il a encore brûlé. Et surtout le comment quand elle parle en chèvre, elle fait des bais et c'est très drôle parce que c'est l'actrice qui joue ça et ça marche trop bien. Dans la version française, à un moment, elle, je sais plus, je crois que c'est Willow, elle fait Willow, imbécile. Bref, pour le coup, il disait qu'il lâchait jamais l'affaire, Willow. Voilà, c'est le moment en fait où il faillit un petit peu, mais à Matt Mortigan qui est tout de suite là pour lui remonter le moral. En mode, ouais, t'es un fermier, mais regarde, tu l'as transformé en chèvre, c'est ouf. Ah ouais. Non, mais je parlais de quand l'autre il part avec la gamine. Ouais. Donc il est désespéré, il peut compter sur Matt Mortigan justement, il soutient et puis il y retourne quoi. Donc avec Erk, ils décident de prendre le peu de gens de l'armée qui restent et ils vont jusqu'à Shepard Morda qui a priori habitait à 5 minutes de là où ils étaient. C'était pas loin de Mordor, ça va. Et Bav Morda qui elle perd pas son temps, qui a déjà commencé son rituel ouais. Qui est censé durer 3 jours là. Le rituel le plus long de l'histoire. Hein, moi, je kiffe les mages qui la servent. Tu vois, les mecs qui sont tous dans leur toge à capuche avec tous la grosse barbe. Tu vois, le cliché des mages et qui ont toujours genre des pokés. Ouais, c'est les mages dans Skyrim, là. Ouais. Et des fois, quand elle parle et tout et qu'elle a genre ses rires maléfiques, tu sais, il la regarde de côté en mode qu'est-ce qu'elle a encore fait. Il faut rire aussi. Ouais. T'as le droit de rire, chef. Qu'est-ce qu'on doit faire, putain? Donc ils arrivent, ils sont en mode donne-nous le gosse, elle fait vous êtes ridicule. Et t'as Finn Raziel qui est ouais Willow, vas-y, prends ma baguette, protège-toi, et écoute surtout pas ce qu'elle dit. Et donc la meuf, elle se fait un gros trip et elle lui vous êtes des porcs, et elle transforme littéralement tout le monde en porc. Je trouvais ça super chaud. Moment claqué. Terrifiant, à mon avis, si t'es gamin, quand tu vois ça. Ouais, non, mais même moi. Typique de l'époque, je trouve. C'est les films pour enfants, mais il y a les trucs les plus terrifiants du monde. Vrai, ouais. Moi, j'ai vu des films d'horreur, des vieux films d'horreur, ça me faisait moins peur que la plupart de ces trucs-là qui étaient dans les films pour enfants. T'as pas besoin de sang, de gore ou de machin, mais un truc pareil, juste, c'est affreux, quoi. Ouais, genre, t'as un moment. Non, il y a un truc dans les films de cette époque. Où tu sais pas pourquoi ça sort de nulle part et c'est terrifiant. Ah mais tu sais, c'est l'époque où le morphing commence à arriver et du coup. Ah ouais, il s'éclatait avec. Il s'éclatait avec, il faisait n'importe quoi. Genre le mec qui a les jambes de porc, le groin de porc, mais a encore ses bras humains et qui est genre en train de se toucher. Oui. Oh putain, qu'est-ce qui arrive ? C'est affreux, mais le pire, c'est que tu parles de morphing, mais justement, Willow, ça a été la pierre angulaire de la technologie du morphing avec une scène qui arrive juste après. Oui. Mais avant ça, du coup. La première grosse scène, la première vraie scène de morphing, c'était dans ce film. Mais pour les porcs, c'était encore des effets pratiques. Il y a des mecs qui étaient à moitié maquillés, enfin, plusieurs étapes de maquillage et tout. Ah ouais, c'est... Moi, je trouve que ça rend le truc encore plus viscéral, encore plus crade, quoi. C'est... Oui. Ouais, j'étais pas bien. Donc, faut... ouais, le morphing d'après, il est magistral, mais celui-là, il l'est, mais dans une autre catégorie. Je veux dire, c'est le but recherché aussi, donc c'est super réussi. Mais... Ah oui, Morda, c'est tellement une icône dans cette scène où elle est morte de rire, et puis elle fait « Vous êtes des porcs !» La VF est encore meilleure. Franchement, là, pour le coup, je préfère la VF que la VO, parce que les acteurs sont encore plus à fond. Ça donne encore plus de vie au truc. Ils sont plus à fond dans le surjeu. Non, ils sont vraiment à fond. C'est pas du surjeu, hein. C'est vraiment. D'accord. Ils donnent encore plus de vivacité et tout au caractère. C'est vraiment trop cool. Et donc elle se tape un gros trip à les transformer tous en porcs. Et t'as vraiment les mecs à côté d'elle qui sont. Ok, c'est chelou, spécial, quoi. Elle repart faire son rituel de magie du sang, là. Et t'as Finn Raziel qui est « Ok, maintenant, Willow, t'as réussi à faire un sort de protection, c'est quand même badass. Maintenant, s'il te plaît, transforme-moi en humain. » donc Willow commence à la transformer, et c'est là où on a le super morphing où elle devient plusieurs animaux au fur et à mesure, ouais. En se transformant à chaque fois au milieu des deux. D'ailleurs, ça m'a fait, moi, ça m'a fait penser au gif de George Lucas qui, tu sais, qui se transforme en caméra. C'est vrai qu'il est bien terrifiant celui-là aussi. À chaque fois, ça m'a fait penser à ça, tu sais, à son truc de deal with it. Bah, n'empêche que sans George Lucas et ILM, peut-être qu'on n'aurait pas eu Animorph. Du coup, t'aurais pas pu faire des blagues sur les belugas. Tout revient à Willow. Le morphing dans Willow. Blanquer qui se transforme en belugas. Et il finit par lui rendre son apparence humaine, et on découvre que c'est une femme âgée. C'est une belle jeune femme. D'un certain point de vue. Et ouais, et le truc, ouais, quand elle se regarde et elle fait ça fait si longtemps que ça, parce que du coup elle a dû être genre transformée quand elle avait 20 ans et quelques en opossum, et ça doit faire genre 50 ans qu'elle est un opossum. Oh, pas cool. C'est pas mal pour un opossum, hein, quand même. C'est chaud. Moi, j'aurais eu une crise existentielle, je pense, en mode, oh la vache, j'ai passé toute ma vie en opossum sur une île déserte. Et elle le prend plutôt bien, tu vois, le genre. Ok, ouais, je suis ça va. Peut-être que du coup, elle a pas trop vu le temps passer sur son île toute seule. Hein. Ouais, ça se trouve, bah, elle dormait toute la journée, c'était cool. 50 ans de sieste. Elle m'en retransforme en opossum. Willow, qui est super mignon, qui la couvre parce qu'elle est toute nue. Pour pas qu'elle. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène-là. C'est une des plus. Et très touchante. Les plus touchantes du film, je trouve. Allez, Avec le passage des porcs. Elle reste assez subtile. Ensuite, comme elle est badass, elle retransforme les porcs en humains. Et en plus, non seulement les Dakini reviennent des Dakini et plus des porcs, mais elle leur dit maintenant, l'autre, elle peut plus rien faire sur vous parce qu'en plus, mon sort, il vous protège. On est perché maintenant. Elle leur a mis un debuff. C'est les mêmes. Et donc, ils décident bon, comment on rentre là-dedans, parce que quand même, c'est le Mordor. Hein. Il y a des grosses portes et tout. Comment on fait ? Et ils décident d'un plan. Et donc, le lendemain matin, alors que toute la nuit, l'autre, elle est en train de faire son rituel, on a Willow et Finraziel qui sont genre « Ouais, on est des gros sorciers, si vous ne donnez pas le bébé, on va rentrer dans la forteresse, on va vous casser la gueule. » C'est les autres qui genre lol et ils ouvrent les portes, et là tous les gars de l'armée du côté de Willow sortent de trous qui étaient cachés par des tentes, des restes de tentes, et envahissent ouais. la forteresse. Ouais, c'est tellement stylé. C'est super super ouais. action des chevaux là ouais. qui se relèvent oui. super bien. Et il me semble que ça, ouais, c'était ce que tu demandais, Glimit. Il me semble que ça, c'était du practical. Hein. Ils avaient vraiment fait ce genre de truc. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent à se bagarrer dans la forteresse. Et pendant que Sorcha, Finraziel et Willow ouais. vont chercher Elora dans la plus haute tour. Bah ouais, forcément. Évidemment. Oui. Plus près des éclairs. On a Erk qui meurt pendant la bataille. Qui meurt dans les bras de son chéri. Ouais, et du coup, on a la scène. J'adore ce genre de scène parce que c'est limite un peu cliché, mais ça marche tellement bien dans ce film. C'est en vrai. Mode, ok, je deviens badass, donc il fonce vers Kale en mode, je vais te défoncer. Et le gars, pour montrer qu'il est vénère, il chope des mecs qui ont rien à voir au pif et il leur fout un coup de poing. C'est en mode. Non, complètement ça. You one shot tout le monde. Vu qu'il a eu un peu. Il y a tout le monde qui prend tarif, quoi. Pendant ce temps, tu as Sorcha qui s'est fait assommer par sa mère, qui a bien failli la buter, genre en mode. Salement, ouais, sur les pics. Vierge de fer, ouais, là. Je te fous sur les pics. Faut qu'on parle de Brave Mordor, parce que, enfin, autant. Elle nous fait une palpatine. Au début du film, ouais, mais au début du film, autant je la trouvais assez. Ouais, mais voilà, enfin. Ok, c'est le méchant. Autant là, à la fin, l'actrice, elle se lâche. C'est phénoménal. Ouais, c'est pas le patino féminin. C'est fantastique. Je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais Moi, ça m'a vraiment fait penser au combat entre Saruman et Gandalf dans. Il y a ça aussi, mais l'énergie de l'actrice à ce moment-là fantastique. Ouais. Les rires, le jeu, le visage qui est marqué par le mal et tout, comme c'est, ouais. C'est vraiment un visage maléfique et tout. Il y a plein d'avoir mal de maquillage, c'est. Non, mais vraiment. Elle est ultra sarcastique, elle a des grosses punchlines aussi. Tu dis, ouais, ok, sa fille, elle a tout pris de la mer de ce côté-là. Moi, au début, j'étais ouais, ok, c'est le méchant, mais là, à la fin, trop bien, quoi. Elle est excellente. Elle est trop bien, la scène finale. La fine Raziel qui est en mode. Pardon. Vas-y. Non, continue, je voulais te laisser finir. Non, j'allais continuer, donc parle de ce que toi tu voulais dire. Justement, cette scène de combat, moi j'adore, c'est tellement marré que ma femme en regarde le truc là, au moment, tu vois, ça devient sale, la combat, ils commencent à se taper dessus, ils utilisent même plus la magie à un moment. Il fout des coups de poing, mais oui. Coup en dessous de la ceinture, ça vous a vraiment fait marrer. Ouais, c'est un terrible combat de femme. Mais moi, ce que j'adore, c'est que t'as l'autre qui est ça y est, t'es revenu, t'es plus un opossum. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as l'autre qui est j'ai la baguette magique de Kalindrea. L'autre, tu sais, qui fait genre poker face, mais genre resting bitch face, tu sais, en mode fais chier. Ok, bon. Pas ça qui va empêcher de te péter la gueule. C'est vraiment, tu sais, genre deux gamines, quoi. C'est incroyable. Mais oui. Donc elles se défoncent méchamment l'une l'autre, puis finalement elles se trouvent bloquées sous une colonne, après avoir cru qu'elle avait battu Baf Morda. D'ailleurs j'adore ça, la meuf, elle gueule dessus, et ça fait c'est un vent géant là qui pète des colonnes sur sur l'autre. Genre, Par rapport à ce que tu disais justement, c'est un autre truc qui m'a bien fait mal dans ce combat quand tu parlais de la baguette, et tu vois, parce qu'elle le dit de manière intense, elle dit « Ouais, j'ai la baguette de Kalindrea !» Et j'ai beaucoup pensé à ce moment-là à Alec Guinness, qui parlait du fait que quand il filmait Star Wars, il disait des mots qui n'avaient rien à voir, qui voulaient rien dire. Et j'imagine, tu vois, cette actrice qui a l'air quand même d'avoir une longue carrière, qui a sûrement dû faire des rôles classiques et tout, et là, qui se retrouve à crier des trucs qui veulent rien dire sur le film qui est complètement dans le bordel. Ça m'a vraiment fait marrer d'imaginer ce scénario. Il y a des moments où il y a beaucoup de name dropping dans le film aussi. Ouais, c'est marrant. Bah, tu sens que l'univers est Lucas. Mais du coup, il balance des éclairs en plus avec cette baguette. Donc on se rapproche encore. Ouais, ouais. Oui, ce que j'adore, c'est que l'autre, elle est unimpressed. Tu vois, elle est genre. Ok. D'accord. Genre, elle a tellement la confiance. Tu vois. Tu vas faire quoi genre, dans son visage, tu lis le truc « Ok, quand je t'aurai défoncé, je vais aller défoncer Kalindrea, là. » Mais il ne peut pas parce qu'elle est sur Instagram. Et Willow décide d'aller prendre Elora pendant que les deux vieilles se donnent des coups de poing dans la face. D'ailleurs, Willow qui se bat contre une des créatures qui m'a aussi terrorisée quand j'étais gamine, qui était l'espèce de... réceptacle à os. Barbecue. Ah, ce truc de l'enfer, là. Barbecue, après, ça, j'ai vivant, pas compris d'où ça sortait, ça. En fait, c'est un des trucs, tu sais, des réceptacles où elle fout ses os pour ses rituels, sauf que comme il y a eu un jet de la baguette... Il y a un sort qui a été lancé dessus, ça l'a rendu vivant. Ricochet, ça l'a rendu vivant. C'était terrifiant. Quand j'étais gamin, j'étais terrifié par ce machin-là qui faisait clac-clac avec son clapet, là. Il s'en débarrasse en le poussant par la fenêtre. Et moi je croyais qu'il allait je m'attendais à ce que ça tombe sur quelqu'un. Mais oui, pareil. Ouais, sur quel ça aurait été trop drôle. Mais quel qui aurait été trop drôle. Le fait qu'il le jette, ça me fait trop rire. C'est vraiment allez, casse-toi. Le truc est toujours vivant. Enfin, vivant. Mais oui, c'est ça. Oui, j'imagine les gens ils sont là, ouais, on a gagné, et puis il y en a un qui se fait embrocher par le barbecue. J'imagine la terreur des gens en bas, ils ont ça qui tombe, le machin qui se relève sur ses pattes et qui commence à claquer du clapet. T'as Willow qui se penche au-dessus de la barrière, désolé, c'est moi. Démerdez-vous. Pendant ce temps, d'ailleurs, il y a Mad Mertigan qui est en train de tuer Kale. Oui, c'est stylé comment il le tue. Ouais, moi j'adore quand il fout le coup d'épée et que ça pète le bas de du crâne qui lui sert de masque. Mmh. Après ils s'embrassent, moi je trouvais ça super beau. Ouais, genre c'est il l'embrasse tout près de lui là. What? Mais oui, il se roule des gros patins là. C'était aussi tellement Star Wars que je me suis attendu à un truc du genre « je suis ton oncle » ou un truc du genre. mais non. Ça faisait vraiment, ça fait plus Seigneur des Anneaux avec le coup de je t'embroche, mais le mec il donne encore des patates alors qu'il a une épée dans le bide, tu sais, ça fait très. Pas faux. Tu passeras le bonjour à maman. Et Baf Mordak, qui allait retourner à son rituel, voit que le bébé n'est plus là, voit Willow avec le bébé, lui ferme les portes au nez et fait bon, qu'est-ce que tu veux toi ? Donc, t'es derrière, t'es qui ? J'ai défoncé l'autre, je disais bon, j'ai plus le temps là. Tu viens de te marrer avec ton ennemi juré, t'en peux plus, puis t'as un mec qui fait 1m20 devant toi. Mais... Attention, le cirque parlait. il est pour faire un tour de magie. Tu es un super sorcier et tout. Ah okay. Bon, tu sais faire quoi? Tu maîtrises quelle magie? Le gland. Il lance le gland. Tu sais, au début, la main commence à se transformer en pierre et il est genre trop content, genre oh, trop ouf. Et puis elle est en train de se tenir la main en mode oh putain. J'ai trouvé ça trop cool parce que moi au début je me disais non mais ça va être c'est cliché, ça marche tout de suite, tu vois, et tout, et en fait non. Non, et après elle pète le truc, elle se débarrasse de la poussière, puis elle le regarde, elle fait t'as que des glands ou... Il n'y a plus qu'un seul gland. Et du coup, Willow utilise sa technique du tout début qui était de faire disparaître des ports entre guillemets, un tour de passe-passe. Et il dit je vais envoyer le bébé dans un endroit où le mal n'existe pas et du coup tu ne pourras jamais l'atteindre et elle sera toujours en vie, donc tu en gros la terreur de l'autre, parce que l'autre elle sait que tant que le bébé est en vie elle peut pas vivre elle. D'ailleurs c'est intéressant, elle dit pas ouais c'est ça, elle lui dit ah mais ça n'existe pas un endroit comme ça, c'est ouais ça elle dit c'est impossible, tu peux pas faire ça, ça n'existe pas, ça c'est horrible. Et disparaître le bébé entre guillemets, et c'est le coup de bluff magistral. Ce qui est merveilleux avec ce truc, c'est que c'est pas Elora qui a, enfin tellement elle a provoqué la chute de la sorcière, mais en fait c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'elle s'est provoquée elle-même sa chute quand elle a cru qu'elle avait perdu, parce que du coup elle trébuche contre un de ses autels, elle verse le sang, ce qui finit le rituel, ce qui fait que au lieu d'envoyer l'âme du bébé dans un des je sais pas combienième cercle de la bannière ou je sais pas quoi, ouais, voilà, et elle s'envoie sa propre âme avec son propre rituel. Du coup, t'as Mad Mortigan qui arrive en mode je vais vous sauver, puis en fait tout le monde c'est bon, ils sont déjà débrouillés. Il roule des pelles. Genre, mais il est où le bébé ? Ouais, tu sais, il est en train de rouler des pelles à sa meuf, puis t'as la vieille qui est. Mais en fait, le bébé ? Un petit peu là pour, oui, peu là pour ça. Bah en fait, vous savez, quand j'ai jeté le truc par la fenêtre là. Oh putain, merde. Le gars, il est en plus, il est trop fier. Il est genre, c'est un des trucs que j'utilise quand je fais disparaître des petits porcs. Trop mignon. C'est un truc que je fais pour les touristes en fait d'habitude. Et c'est pour ça que la magie bullshit, c'est la plus forte magie. Mais oui. Mais oui. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que tu sais, ça fait tout une belle boucle pour le coup, parce que il faisait ses tours de passe-passe, il voulait devenir un sorcier, il a échoué le test de sorcier parce qu'il pensait qu'il pouvait pas le faire. Le sorcier lui a dit, t'as tout ce qu'il faut en toi. Et du coup, à la fin, il gagne pas avec de la vraie magie, il gagne avec ce qu'il sait le mieux faire, ses petits tours de passe-passe. Et c'est trop beau, c'est trop beau comme message. Ouais. Et surtout, genre, le fait qu'il arrive à la masterminder comme ça, ça montre, c'est ça, c'est que c'est sa confiance en lui. Quand il fait le truc, il a tellement l'aplomb et la confiance en lui et tout que ça passe comme de la vraie magie, quoi. Ouais. C'est vraiment comme si tu gagnais, tu combattais le méchant en lui volant son nez, tu sais. Hop, t'as plus. Mais c'est ça, gros. Et lui, il y arrive, quoi. Stylé, Willow. Et du coup, à la fin, t'as Sorcha et Matt Martigan qui adopte le bébé, qui a déjà les cheveux de sa mère. Magnifique. Cheveux de Sorcha. Ça tombe bien. C'est le putain de couple de beau gosse qui va régner sur le royaume avec le bébé, là, magique. Ah, bref, Willow retourne chez lui et il se fait célébrer par le village. Et c'est là où on a votre scène, Grushkov et Matt, avec l'oiseau. Il s'était fait chier dessus dans la bouche, le préfet, là, oui. Grand moment. Ça valait le coup d'attendre. Ah bah moi, j'ai regardé le film rien que pour ça. Hein, vraiment, ça marche trop bien. C'est vraiment ce méchant qui est... qui se fait chier dessus. Enfin, ce méchant, c'est même pas un méchant, c'est juste un... Un capitaliste, donc c'est un méchant. Ouais, un capitaliste, ouais, c'est un méchant. C'est juste médiocre, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça me fait trop rire de voir que, ouais, enfin, cette espèce de gag comique qui montre que, voilà, maintenant, Willow, il a appris comment lui chier dans la bouche, littéralement, quoi. avec des oiseaux. Que Willow a fait, c'est, elle vient de lui, tu vois, et du coup, c'est trop pratique, enfin, c'est trop parfait comme fin, c'est vraiment Willow qui chie sur le capitalisme, mais c'est trop bien. Et en plus, il retrouve sa famille, sa femme, ses enfants et tout. Tout le monde a un happy ending. C'est trop bien. Ouais, la happy end est complète. C'est là que tu vois que c'est de la fantasy, parce que dans le monde réel, ce serait déjà rarement remarié, mais c'est pas grave. C'est réel. Mais on n'a pas parlé des musiques, alors qu'elles sont absolument fantastiques. Ouais. Et voilà, la musique est de James Horner, j'étais très... Ouais. James Horney. Celui qui a fait la musique, par exemple, de Titanic. Ouais, ça se pose là. C'est lui qui fait les trucs de généralement James Cameron, hein, il me semble. Mais du coup, il avait composé pour Céline Dion. Ça fait longtemps qu'il est mort maintenant. Mais oui, maintenant. Il est mort en 2015, je crois. C'est ça. Ah bon? Ah, 2016, je crois, non. Ouais, il est mort dans un crash d'avion. Ouais. Il avait 61 ans. Oh merde. Ouais. Mais ouais, non, en tout cas, c'est des musiques vraiment bien que des fois j'écoute un petit peu dans mon coin. Comme si t'avais honte. Non, en vrai, pas du tout, parce que c'est vraiment une bande originale qui est fantastique et qui n'a vraiment rien à envier à d'autres films plus connus, quoi. Comme Star Wars, par exemple, c'est ça que tu veux dire ? J'irais pas jusque-là, parce que en vrai, bon, Williams, il a mis la barre très très haute avec Star Wars en 77, mais vraiment, c'est... Enfin, du coup, je suis triste, parce que j'aurais bien aimé avoir James Horner sur un Star Wars. Ouais, il aurait fait un super boulot, ça, c'est ouais, sûr. Ouais, je pense. Ouais. Mais ouais, et du coup, ça faisait. En fait, j'ai trouvé ça étrange de voir un truc Lucasfilm, mais pas fait par John Williams. Mais écoute, il y a mis du sien. Hein, ça passe très très bien. Ah ouais, ouais, ouais. Et il a bien gardé l'esprit, voilà, épique symphonique que de Williams. Donc non, il a pas à rougir. Hein. Ouais. Donc, au final, c'était vachement bien. Bah, ouais, au final. Ouais, mais non, moi, personnellement, tout le monde a parlé de son expérience avec le film. Moi, je ne l'avais jamais vu. J'en ai entendu parler pour la première fois il y a uniquement quelques années. Et puis ensuite, voilà, Adrien qui nous en parlait régulièrement, donc je me doutais que ça devait quand même être pas mal. Je veux dire, je ne pensais pas que. Je te fais confiance, Adrien, et c'est vrai qu'au final, c'était quand même assez incroyable. C'était vraiment sympa. C'est vrai que même. Des fois, j'ai un peu du mal avec des films. Il dure 2 heures, le film. Ce qui. Pour l'époque, c'est déjà long. Ouais. Ce qui commence à faire un peu long, mais voilà, autant. Bon, j'ai dit, voilà, des petites scènes, des moments un petit peu longs à la fin sur les bastons, mais vraiment très, très. Une super bonne expérience. Je suis un peu triste que. Mon seul regret du film, dont j'en ai plusieurs, mais un des principaux regrets, c'est qu'en fait, Willow, il n'a pas adopté Elora, quoi, à la fin. J'aurais bien aimé qu'il. Enfin, à mon avis, voilà, il n'est pas sans la revoir, quoi, mais... On verra dans la série, je pense. Oui, je me demande vraiment quand va se passer la série. Ouais, pareil. Je pense que ça sera plus tard. Mais ouais. Il y sera... Oui, parce qu'il est dedans. Hein. Wow, oui, la série s'appelle Willow, donc a priori, ouais, il est dedans. Il y a 3 actrices confirmées. C'est Warwick Davis, Hayley Bamber et Erin Kellyman. Ça se trouve, Erin, elle va jouer Elora. Je sais pas parce que elle est jeune quand même. Elle est née en 98, donc 10 ans après le film, après la sortie du film. Ok, Erin. Et ouais, elle a 22 ans, c'est un bébé. Bah oui, mais c'est pour ça. Moi, je me suis dit qu'ils allaient peut-être faire avec Elora qui a grandi, bien grandi. Mais non, parce que elle a, enfin. La série se passe pas forcément 30 ans après le film, s'ils peuvent décider, ben ça se passe. Il y a Warwick Davis dedans, pourquoi il peut le maquiller ou ça se fait de jouer des gens plus jeunes. C'est les Nelwyn qui vieillissent plus vieux. Ouais, c'est vrai. 10 ans. Avec du bon maquillage, ça passe. Après, il a bien vieilli, hein, Warwick Davis. Bah ouais, en plus. On verra bien. Moi, en tout cas, on verra bien. Je suis trop content de cette série et qu'on ait en plus Erin Kellyman dedans. C'est clair. Génial, quoi. On pouvait pas s'en donner mieux. Qui revient. Un autre truc qui m'a bien plu dans le... Oh, vas-y. Non, je disais juste, j'aurais bien aimé que... Parce que là, pour l'instant, la série n'a pas de showrunner. Elle en avait un... Alors, j'ai été super déçu. J'ai découvert ça tout à l'heure, mais c'est un blanc. C'est vrai? Ouais, il s'appelle Jonathan Entwistle, comme le sifflement d'Ent. Comme le bassiste. comme le bassiste des Who. Ah, voilà, ok. ok. Ouais. Donc ouais, moi, ce que je voulais dire, un autre truc qui m'avait plu dans le film, c'est un truc dont on a parlé vite fait un peu au début, c'est que le film genre te balance directement dans l'action. Et alors après, c'est pas vraiment un style de l'époque des années 80 de te présenter la géopolitique du truc. C'est vraiment un truc qui est venu plus tard et qui vraiment a été poussé au paroxysme avec Game of Thrones. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant d'avoir vraiment une histoire vraiment, tu vois, fantastique, enchantée. Tu as des noms qui veulent rien dire. Des créatures. C'est pas censé être crédible, tu vois. C'est pas, on n'essaye pas de te vendre un truc réaliste. C'est pas un truc qui est moitié documentaire. Et c'est vraiment rafraîchissant parce que c'est vraiment la tendance dans la fantasy à gros budget qu'on essaie de te refaire la géopolitique médiévale dans un monde fantastique. Ouais. C'était vraiment cool. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, le truc qu'ils font de justifier en mode ah, mais c'était comme ça à l'époque, tu sais. Aussi, oui, aussi. C'était tout dans la fantaisie, t'es genre. Quoi? Quelle époque? Comme disait Grushkov, quelle époque? L'époque des dragons? Ouais, c'était. Mais tu vois, c'est ça, c'est vrai que, ouais, je comprends ce que tu dis, Xemuth, on a tendance à. Enfin, les séries de maintenant, même ce qui se fait maintenant, a tendance à trop. Quand ça parle d'une époque que. A priori, même un univers, quand on crée un univers, j'ai l'impression, c'était Rian Johnson qui disait, mais on n'est pas en train de faire Wikipédia, là. Mais oui, ouais, c'est complètement Wikipédia. Ça, voilà. C'est, et je trouve, en plus, ça promeut un peu cet esprit de gatekeeping que, voilà, tu dois connaître, pour être un vrai fan, avec un milliard de guillemets, il faut connaître la chronologie de chaque royaume, de chaque duché, de comment c'est arrivé ensemble. Là, on s'en fout complètement et finalement, ça fait du bien. Je comprends que c'est intéressant d'avoir des trucs qui sont un peu réfléchis et tout, mais le problème, c'est quand ça devient majoritaire et qu'il n'y a plus que ça. Donc, ça m'a vraiment fait du bien de voir ce film qui est totalement dans l'esprit inverse. Ouais, bah ouais, tu veux faire un film de medieval fantasy, et bah cite-moi tous les barons du 12e siècle. Ouais, un film de fantasy qui n'y cherche pas à être autre chose, qui est genre, bah, c'est de la fantasy, on fait ce qu'on veut, c'est littéralement le genre, quoi, c'est de la fantasy. C'est pas genre, ouais, nous on est de la fantasy sérieuse, tu vois, donc forcément il y a plein de viols parce que c'était comme ça à l'époque dont laquelle on s'inspire. Contrairement à maintenant d'ailleurs. Comment ? Contrairement à maintenant. Non, mais et je suis d'accord avec toi, ça, c'est super rafraîchissant d'avoir ce film qui essaye pas de raccrocher à quoi que ce soit d'autre et qui est genre, voilà, nous, c'est notre univers, c'est celui-là, et on n'a pas besoin de l'expliquer parce que les personnages, ils le connaissent vu qu'ils vivent dedans. pour rebondir là-dessus, ce que j'aime bien justement dans ce film, c'est que il y a ce... Voilà, ils créent leur univers, ils ne s'attachent à rien... Et du coup, c'est à la fois assez cheesy, c'est quand même assez, comment dire autrement, enfin... Kitsch. Kitsch, voilà, c'est kitsch, mais le kitsch est assumé. Le kitsch est complètement assumé, ouais, un peu, ouais, c'est un peu niais, même chose. Le film, pardon, il est un peu niais, un peu innocent, si tu veux. Et je trouve que ça marche vachement bien, parce qu'il a beau être comme ça, innocent, un peu cartoon, un peu de ça, avec des clichés de fantasy par moment, des trucs comme ça. Ça marche bien parce qu'à côté, l'univers n'oublie pas non plus d'être cohérent, même s'il n'est pas super fouillé, comme justement, comme vous disiez, qu'on n'a pas tout un background de développer sur 100 pages, mais ça suffit à le rendre cohérent et en même temps, ça, à côté, il se permet d'être vachement, vachement naïf. Voilà, naïf, c'est le mot, sans pas nier, naïf plus. Et je trouve que c'est la force du film aussi, quelque part. Il est très agréable à regarder parce que il prend des. Il est pas cynique, ouais, ça fait du bien, genre voilà, c'est, ouais. On te balance un gros cliché de fantasy au pif, mais C'est, on te le balance naïvement, c'est pas en mode ah regardez comment c'était, comme c'est nul, regarde, ah c'est pas ah regardez comme on est edgy, c'est super dark et tout, on est trop dans un film adulte. Non, c'est on te le lance, on te le donne pour ce qu'il est, et c'est hyper rafraîchissant quoi, c'est super agréable. Et en même temps, je pense que à la fois comme Star Wars c'était un hommage à la SF à papa de l'époque de Lucas, bah c'est aussi un hommage à certains films de KPDP, à des films un peu plus, qui n'avaient pas les gros moyens non plus, les films de genre de l'époque. Et ça marche trop bien, quoi, simplement, quoi. C'est vraiment très cool à regarder. Et c'est un vrai conte de fées, quoi. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. C'est plus un film féerique qu'un film de fantasy, quoi. Ouais. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup des films comme ça, finalement, qui ne soient pas inspirés de littérature et qui, dans lesquels il y a vraiment un univers féerique, fantaisique et pas forcément cynique. J'en vois pas beaucoup. Hein. Ouais, bah moi le truc qui m'y fait le plus penser actuellement, la plus grosse licence, on va dire, de fantaisie comme ça, c'est qui soit pas cynique, c'est Zelda, en fait, le truc vraiment féerique, et c'est ouais. Pas je me bourre peut-être. Narnia avait pas cet esprit là aussi, parce que j'ai très peu regardé, j'ai dû en voir beaucoup seul, mais Narnia qui sortent en ce moment, non pas en ce moment, c'est vrai. En plus Narnia il s'inscrit quand même dans notre monde, tu vois. Ouais, c'est peut-être des enfants qui s'échappent de la guerre. Je sais avoir vu que le premier il y a très longtemps. Ce qui est rigolo, c'est que Tolkien, il avait une inspiration, il a fait la guerre, machin, il avait des inspirations qui ont permis de faire son récit. Mais là, j'ai l'impression que Lucas, il a été prendre les éléments autour qu'avait apporté Tolkien, les éléments, un peu les clichés, les schémas, voilà, comme on disait tout le début, ça ressemble vachement à la communauté de l'anneau. Mais sans en mettant autre chose à l'intérieur, quoi. Et ça marche bien. C'est cool. Je trouve que le film il a très bien vieilli pour le coup, quoi. Et c'est pour vrai. Ça que c'est cool qu'ils en fassent une série, parce que c'est vraiment un univers original et qui a pas été tant que ça exploré. Donc ça va être cool de pouvoir y retourner et avoir justement plus de background, plus d'histoire dans cet univers. Il y a ça aussi, mine de rien, il est assez rafraîchissant dans le sens où c'est un univers de fantasy, mais qui est quand même relativement original. Bon, on a un dragon, mais à deux têtes, et chelou. Ouais, et tu vois, t'as pas le cliché elfe, nain des montagnes. Voilà. On a des nains, alors quand je dis nains au sens fantasy, hein, mais on a des nains, mais qui sont représentés différemment, qui sont représentés même comme des vraies personnes à part entière. Et c'est vraiment différent parce que tu vois, c'est pas des hobbits, c'est pas des nains, alors que les nains en fantasy, c'est vraiment un autre truc particulier, ils ont pas la même ossature et les trucs comme ça, tu vois. Vous êtes des elfes là. Là, t'as vraiment. Dans Donjons et Dragons, en tout cas, c'était comme ça un peu. Ils ont vraiment leur propre race dans Willow et c'est vachement cool. Et puis comme on disait aussi, la magie est intéressante dans l'approche, ça c'est assez cool. Ouais. Alors, ça se rapproche beaucoup de la force au final, parce que comme tu disais à la fin, Ximnut, c'est pas les pouvoirs magiques de la gamine qui ont détruit la sorcière, enfin maléfique, c'est elle-même, ça c'est quelque part, c'est la volonté de la magie, si tu veux, qui. C'est Tuki qui disait ça. C'était Tuki, excusez-moi. je me perds, mais voilà, vous avez saisi l'idée, quoi. C'est au travers de la magie qu'elle a échoué, si tu veux, que la prophétie s'est réalisée. On retrouve des parallèles avec la force, et c'est intéressant plutôt que juste bah, du ta gueule, c'est magique. C'est de la magie de fantasy, ça marche comme ça, et point barre, quoi. Ouais, et puis en même temps, y a un truc que j'ai trouvé très, très cool, c'est que on te pose dans l'univers et on te lance dans l'aventure, et en fait, on n'a pas besoin de tout expliquer, quoi. Parce que ça, c'est un truc qui me saoule beaucoup avec ce qui. Je sais pas si c'est vraiment ce qui sort aujourd'hui ou si c'est plus le public qui cherche tout le temps à avoir tout d'expliquer, en fait. On peut juste te dire, la magie, elle peut transformer un troll en dragon à deux têtes, et puis pourquoi on aurait besoin d'expliquer, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les plot holes. Et puis ouais, comme on disait, le film, c'est une histoire. J'espère pas. Je veux dire, on a des filles qui ont Snapchat. Pas besoin d'expliquer. C'est comme ça. Et pour le côté, justement, pas cynique, qui fait vachement plaisir par rapport à aux choses récentes, c'est que tout le monde a un happy ending, et en plus, et ben, comme c'est un truc pour enfants, c'est le conte de fées qui se finit bien, avec tout le monde qui va bien, et du coup, ils peuvent se permettre de mettre des trucs ultra dark et ultra choquants, parce que ils sont toujours détruits juste après, tu vois. Mmh. Genre les chiens, ils se font tuer par les Nelwyn, les trolls, ils se font tuer, et quand ils deviennent un dragon, ils se font tuer aussi. Baph Morda, elle s'auto-tue. Les porcs sont retournés à leur forme naturelle, tu vois, t'as tout qui est, ouais, qui est résolu. Et quand Baph Morda décède, les mecs transformés en pierre reviennent à la vie aussi, enfin... Son impact, oui. C'est inversé, quoi, si tu veux. Donc, on revient. Ouais, t'as vraiment tout qui se finit bien, quoi. T'as pas un truc, tu sais, un peu amer, genre. C'est okay. Dommage que Sorcha, à la fin, elle tombe au sol sans aucune raison et elle disparaisse. Oui, voilà, il n'y a pas de fin. Ah, bah, c'est cool, on a battu les méchants. Par contre, on est tous morts. Enfin, ouais. Ça finit bien pour tout le monde, c'est. Ou presque, c'est parce vraiment qu'on le pas trop, mais c'est pour tout le monde, pour tous les autres, ça va. J'espère que la série sera aussi sur cet aspect conte de fées et qu'ils n'essaieront pas d'être comme les trucs maintenant qui se veulent trop sérieux, qui sont, comme tu disais, qui essayent de justifier leur aspect fantasy en raccrochant un peu au réel et qui essayent de tout justifier en disant « mais si c'est réaliste, regarde parce que ça », alors qu'en vrai, bah, c'est un conte de fées, tu t'en fous si c'est plus réaliste ou pas, à la base c'est de faire rêver. Et j'espère que ce sera vraiment un truc plus naïf, parce que ça fait du bien, on a marre des mecs qui se prennent trop au sérieux et qui du coup rendent tout le monde malheureux. On a déjà assez ça dans le monde, on n'a pas besoin de ça en plus dans les films qu'on regarde, quoi. Pour le côté naïf, il y a aussi tout le côté improbable, genre on a la sorcière, bah, c'est un opossum sur une île qui n'a absolument rien à grailler. Et ça marche, on sent, enfin voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas à expliquer ça, c'est comme ça, point barre. Enfin, c'est cool, c'est... Ça, en fait, on se rapproche du bouquin pour enfants ou de l'histoire que tu lirais avant pour un gamin avant qu'il s'endorme, quoi. On n'est pas loin de ça. Il y a des trucs un peu improbables, mais ils sont là, on fait avec, et ça marche tout aussi bien que si on expliquait tout par 30 minutes de l'or avant. Il y avait un truc que j'aimais bien aussi, on avait parlé des costumes, mais les décors parfois sont très cool. Le château de la Baph Morda, là, avec les pierres noires et l'espèce de mousse blanche qui pousse entre les pierres. Je trouvais ça super original, ça marche très bien. Je crois, Matt, que le dessinateur français Moebius a bossé sur le film. Mmh. Oh. Et, c'est pour ça que c'est Kirk, la bonne référence. Après, j'avais vu ça dans le générique quand j'ai revu le film en 2020. Oui, 2020. Je regarde généralement une fois par an depuis quelques années. Et... Mais tu l'as pas vu au début de l'année, là? Si, je l'ai vu aussi au début d'année. Et alors et t'as tout le truc de pas questionner l'univers et les trucs dedans en mode, par exemple, bah, le héros, pendant un moment, il a un pantalon rose et il reste badass et classe. Et t'as personne qui fait des remarques. Ah genre, oui, il y a ça aussi. Il y a aucun moment où le film dit au spectateur, regardez ça, c'est nul quand même. Ouais. Tout, enfin ouais, il y a pas de souci, quoi. Il y a pas à un moment donné, les pecs là quand même sont pourris, quoi. Enfin non, le film est bienveillant en fait avec tout ce qui s'y passe. En fait. Il prend pas de regard en fait, si tu le, enfin c'est quoi le réalisateur, enfin la mise en scène porte pas de regard sur ce qui est montré. Ouais, il y a beaucoup de légèreté parce que t'as jamais un moment où c'est genre ah, ce personnage-là il fait quelque chose de ridicule ou quoi. Tu sais, il y a beaucoup d'humour. Les personnages ont le droit de faire des erreurs, ont le droit d'être drôles. C'est pas obligé d'être tout le temps sérieux et dramatique. Ouais, c'est vraiment le côté que tu disais, naïveté où tout est authentique, tout a le droit d'exister et d'être sans que ce soit mis en question. Ça fait plaisir, surtout pour un vieux film. Hein. Ça fait bien fou, en vrai. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Je l'avais jamais vu, comme dit, hein, mais bah, c'était vraiment chouette à voir. Je pense que je le reverrai, parce que c'était cool. Je confirme, bah, Moebius, eh bien, au générique, il est sous le truc concept artiste. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais... Trop classe. Mais du coup, Adrien, moi, je voulais te demander pourquoi ce film, il est si spécial pour toi. Pour plein de choses, parce que forcément... Quand t'es un petit garçon handicapé qui grandit en voyant que des héros valides à la télé, Quand tu découvres ce film un beau hasard parce que la collègue de tes parents te prête la cassette, tu te dis ouais, mais en fait ça existe des héros qui ont un handicap, qui ont une particularité physique. Et bah ouais, ce film m'a montré ça. Et c'est là où c'est un film qui est absolument extraordinaire. Et je pense qu'il y a une pierre angulaire dans tout ce que je suis devenu et dans tout ce que j'aime. Même si c'est pas un des films que j'ai pu voir autant que Star Wars, par exemple, quand j'étais petit, ça reste un des films qui m'a bluffé de ce point de vue-là. Et quand on dit que la représentation compte, bah vraiment, c'est pour ce genre de choses, quoi. C'est vrai. Et j'espère que dans la série, on n'aura pas que Willow en Halloween. J'espère qu'il y aura plein d'autres acteurs, des nouveaux acteurs, des nouvelles actrices, des nouvelles actrices. Des personnes de petite taille qui prendront la relève parce que c'est bien beau, mais à part Warwick Davis et Peter Dinklage, on connaît pas beaucoup, quoi. Je savais pas, mais même la fille de Warwick, elle a une carrière d'actrice maintenant. Ouais. Donc, Annabelle Davis. Ouais. Donc, déjà, ils ont même pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. Oui, bah tu regardes, ouais, c'est ça. Ouais. Et il faut savoir que Warwick Davis, il a il gère une agence de talent avec plein d'acteurs d'actrices de petite taille, qui s'occupe en gros de leur trouver des rôles et tout ça, quoi. Je vous conseille, pendant qu'on est là, de regarder la série. Life's Too Short, qui est une série. Malheureusement, elle est co-créée par Ricky Gervais, mais aussi par son acolyte qui est, je trouve, beaucoup plus drôle que lui, Steven Merchant, c'est ça. Hein, je sais plus. Et qui du coup raconte, oui, en gros, c'est une série Life's Too Short, une série un peu autobiographique sur Warwick Davis. Donc en gros, il joue son propre rôle et c'est une série qui est absolument hilarante et dans laquelle on peut voir Liam Neeson, dans laquelle on peut voir plein d'acteurs et d'actrices d'Hollywood, notamment de Star Wars aussi, il y en a plusieurs qui apparaissent, et en gros qui racontent avec beaucoup d'ironie la vie de Warwick Davis, la vie un petit peu has-been de Warwick Davis, parce que c'est un acteur qui malheureusement n'est jamais dans les rôles principaux à part pour Willow. Et pour aussi les films, les Procon, mais c'est des films d'horreur où ils jouent le méchant, en fait. Donc ça en dit long sur la place des personnes handicapées dans les films. Et donc voilà, c'est une série que je vous conseille, qui est très drôle et qui est absolument fantastique. Cool, ça, tu la regardes où? Alors, à une époque, elle était disponible sur Netflix, elle n'est plus, je crois, aujourd'hui. C'est une série qui avait été diffusée par la BBC, il me semble, à l'origine. Ouais, mais c'est HBO qui a les droits parce qu'ils ont coproduit avec la BBC, donc. D'accord. Alors peut-être. Ça, c'est compliqué. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est super drôle. Et voilà, la série nous montre un Warwick Davis vraiment un has-been, qui est en pleine instance de divorce avec sa femme et qui en fait c'est une série en faux documentaire, et du coup ça rend encore plus drôle parce que Warwick Davis il se la pète devant la caméra en disant que voilà c'est un grand acteur et tout, et derrière tu vois qu'il galère à trouver des rôles et qu'il finit même par jouer une poubelle, je crois, enfin c'est ridicule ce qu'il fait. Vraiment, c'est super drôle, c'est vraiment trop drôle. Désolé, la poubelle ça m'a achevé. Non mais ouais, en fait c'est vraiment l'un des seuls trucs que Blaireau de Ricky Gervais a fait que je respecte. Est-ce que tu disais qu'il y avait Liam Neeson dans le reportage? Ouais, il joue son propre rôle. Est-ce qu'il se pisse dessus? Ah. Oh non. J'avais posé la même question. Moi aussi. Mais du coup, c'est de la fiction, hein, la série, c'est ça? C'est un type faux documentaire. Ouais, c'est un faux documentaire. Ou genre, Warwick Davis passe. Il y a, je crois que c'est le premier épisode où il passe littéralement 10 minutes à demander à un passant d'appuyer sur la sonnette d'un immeuble parce que c'est trop haut pour lui. Et il demande au passant, vous m'avez reconnu et tout. Et le passant est trop gêné. Et il fait, mais si, Warwick Davis, c'est tout, je suis dans Harry Potter, je suis dans Star Wars. Et le mec, il dit, mais on a jamais vu votre tête dans ces films-là. Bah non, mais quand même, je suis connu et tout. Et c'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Faut que je mate ça. D'ailleurs, tout ça, ça me faisait penser que le casting est assez ouf. D'ailleurs, niveau personne de petite taille pour le début du film avec tous les Nelwyn, il y a des acteurs qui sont excellents parmi eux, qu'on ne voit jamais. Du coup. Ouais. Bah ouais, ouais. Bah ouais. Ils ont mis le paquet. Hein. Pour le coup, il y a pas mal d'actrices assez connues. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, c'est Warwick Davis, il a rencontré sa femme sur le tournage qui. En fait, interprète une Nelwyn vraiment figurante pour le coup, et on la voit, je crois, sur un ou deux plans, mais vraiment faut chercher. Hein. À chaque fois que je lance le film, je me pose à quelques plans pour essayer de voir où elle est, mais ouais, c'est assez drôle de voir à quel point même ce film-là a changé la vie de Warwick, quoi. Et d'ailleurs, donc l'autre acteur qui est aussi qui est vraiment connu dans le milieu et qui est aussi un acteur de petite taille, c'est Phil Fondacaro, qui joue Vonka. C'est ça. Ouais. Et qui est d'ailleurs une personne racisée. Ouais. Oui. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que déjà des acteurs de petite taille, on n'en voit pas beaucoup, mais en plus qui sont pas blancs, faut se lever tôt. Ouais. C'est clair, ouais. Donc voilà, non, le film, ouais. Franchement, il est irréprochable là-dessus et ouais, c'est d'autant plein de bonnes raisons de le regarder. Le seul truc qui manque peut-être, c'est plus de personnes racisées, justement, mais au niveau des personnes de petite taille et tout, Kellyman, c'est vraiment super. Comment ? Il y a déjà Erin Kellyman qui arrive dans le. Ouais, ouais. Donc ça fait déjà un. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me dis que bon, elle peut difficilement. Ça fait 33% des acteurs confirmés, c'est déjà pas mal. C'est vrai, ouais. Ils sont la bonne voie, là. Allez, plus. Et juste, et toi, Funeli, du coup, vu que tout le monde a un peu donné son avis Bah écoute, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. J'ai pas vu le temps passer. Je l'ai trouvé assez dense et j'ai trouvé que c'était une bonne chose. Personnellement, j'ai pas vraiment eu le souci des longueurs parce que j'ai trouvé que les scènes étaient bien fichues. Et du coup, je me suis pas ennuyée, j'ai pas décroché. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment rafraîchissant. Et le film est vraiment genre. Même les messages du film sont cool. C'est pas edgy comme on disait. Moi j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment sympa et j'aimerais bien qu'on voit des trucs comme ça plus souvent, en fait. Ouais, j'espère qu'ils vont rester dans ce ton-là pour la série. C'est vraiment. J'ai un peu peur, mais en même temps, je me dis, pour l'instant, les séries qu'ils ont sorties sur Disney+, en général, elles ont été assez surprenantes dans le bon sens, je trouve, pour l'instant. Il paraît même que Falcon et Winter Soldier, c'est pas nul à chier. Donc, c'est très bien. Pour le coup, j'ai vu les deux premiers épisodes, alors on enregistre, et vraiment, je te le conseille. Du coup, pour l'instant, ça me rassure pas mal, même si j'ai un peu peur. Mais ouais, ça, c'est vrai que ça fait... c'est cool, ce côté. Et le showrunner dont tu m'as parlé, Jonathan Entwistle, c'est lui qui a co-créé la série The End of the Fucking World. Mm-hmm. Donc, qui était vraiment bien. Et dans lequel on a pu voir Naomi Aki pour la deuxième saison. Ouais. Est-ce que c'est toujours Laurence Kasdan qui travaille sur les scénars pour la série ou C'est John. C'est son fils. Ah, ok. Ce qui est quand même cool. Parce que... solo. Voilà. Oui, voilà. Ouais. Mais ouais, moi du coup, j'ai envie de dire merci de m'avoir fait regarder le film parce que je sais pas si je l'aurais regardé, en tout cas, pas avant un moment sans ça. Oui, pareil. Oui. Et c'est vraiment une très bonne découverte. Pareil. Ah, bah, je suis content que vous ayez tous aimé alors. Bah, moi, j'ai trouvé ça nul à chier en fait. Je n'ose pas le dire tout à l'heure, mais. On avait dit qu'on le disait pas. Zut, pardon. Il reste 3 heures qui se retient. C'est quoi cette merde? Poisson d'avril, en fait, c'était tout pourri. Nul à chier dans le film. Je te jure, j'avais peur parce que moi, je me souvenais plus de comment était le film et je me suis dit, j'espère que ça allait. Je veux faire plaisir à. Ah, rien, putain, en fait, Adrien, il a des goûts de chiottes. C'est pas sûr, mais genre aux répliques près, tu vois. Genre au tout début, quand il fait je sais plus, Burgle Cut, il dit un truc et j'ai dit la réplique et ça a fait rire Grouchkov parce qu'il pensait que je faisais une blague et puis après la réplique est arrivée. Il fait... Mais c'est très drôle, très drôle parce que t'as dit le truc et j'ai fait bonne blague, bonne blague. Et en fait, il le dit dedans. Je fais, bonne blague. est-ce que tu l'as dit ou pas? Popo, popo, il y a quelque chose dans la rivière. Non, quand on le regardait en VO, il parle pas du tout pareil. J'étais en train de découvrir la voix des acteurs. Et en anglais, c'est pareil. Hein. Les gars sont un accent absolument incroyable. Ils font genre Dale, Dale, oui. Il y a un truc comme ouais. ça où je sais pas quoi. Ouais, c'est très drôle parce que c'est absolument adorable. Et vraiment, enfin, ce film est. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la voix de Warwick. Il a pas du tout la même hein, sur les Jedi. Bonne fin. Celle-là, elle est pas dans le film, par contre. Ouais. Le seul truc qui date vraiment le film pour moi au niveau de la réalisation, c'est que tous les plans sont très serrés, je trouve. Mais après, ouais. ça, c'est un truc technique, mais c'est vrai que tu vois que ils osaient pas vraiment étendre le scope de ce qu'ils filmaient, et du coup, c'était, y a plein de moments où t'as l'impression d'être un peu étriqué. Mais c'est pas du tout lié, par exemple, au Nelwyn et tout, parce que ça, c'est tout au long du film. T'as envie, en fait, d'en voir encore plus, et j'espère que ça aussi, le fait d'avoir la Disney Money, ça va pouvoir permettre d'agrandir encore plus le. Je sais pas, moi j'y pense, moi je me dis que maintenant ça rend le film intimiste, c'est pas, enfin, entre guillemets, hein, mais. Ah bah ouais, c'est cool quelque part. Quoi. C'est aussi peut-être pour ça que les petits soucis de rythme, ils passent nickel, parce que ben, tu perds jamais le fil. Ça. Moi je trouve que c'est encore mieux quand tu l'as déjà vu plusieurs fois, parce que tu sais quand les blagues vont arriver et tout, ou les moments épiques, et du coup tu les attends, et du coup tu sens pas du tout de souci de rythme, parce que t'es tellement à fond et t'es tellement en mode ah ouais, là il va se passer ça après, et là il y a mon moment préféré, et là il y a ma réplique préférée, et tout, que du coup ça rend le visionnage encore plus excitant. Je vais juste finir, moi, en parlant de ma blague préférée, dont on n'a pas parlé, je crois. C'est quand ils sont au feu de camp, et Warwick, il joue avec la baguette et il se fait voler sur... Ah oui, il se propulse sur un arbre. Sur la branche de l'arbre. Et t'as Mad Mertigan qui regarde et qui se joue là-haut. Et puis, le seul truc qu'il dit, c'est « Mad Mertigan !» Tiens, bonne nuit, ciao. Il se couche. Démerde-toi. Dans l'arbre. Ah ok, t'es là. Ça m'a beaucoup fait rire. Je trouve que ça représente bien le film. Oui. Mais c'est quand même assez impressionnant à 18 ans d'avoir cette justesse dans le rôle. Warwick Davis, il est à fond dedans, quoi. Mais surtout qu'il faisait pas énormément de films non plus. Non, c'est son deuxième film, je crois. Voilà. Et le premier, bah, il jouait un. Il jouait un Ewok, ouais. Et les acteurs sont tous excellents dedans. Ils sont tous à fond. Et j'avais eu la même pensée que toi par rapport aux deux actrices âgées qui jouent les sorcières. Et je me disais, Baf Morda, elle est tellement à fond tout du long dans son rôle. Surtout quand elle fait ses rires et tout. C'est vraiment la fin, elle est terrible. Elle est excellente. La meuf, on lui a donné ce rôle-là et tout. Et elle a fait, ok, moi, giga au sérieux. Et elle est vraiment, vraiment à fond. C'est merveilleux. Mais je pense que ce genre de rôle, il faut les jouer à fond. Ah oui, oui. En plus, c'est pas tous les jours que tu joues ce genre de rôle, donc autant y aller, quoi. Enfin, voilà. Donc, pour conclure, peut-être que dire que si vous avez aimé Willow étant plus jeune, ou même si vous aimez maintenant et que vous le découvrez, la meilleure chose qu'on peut vous conseiller, pour le coup, c'est The Mandalorian, parce que c'est vraiment pareil. En attendant la vraie série Willow. Ouais, soit The Mandalorian, soit L'Âge de Glace. C'est comme vous voulez. C'est vrai, c'est les mêmes. Et sur... je voyais qu'il y avait des bouquins qui avaient été écrits après. Tu les as lus, Adrien? Alors là, tu vas apprendre un truc. Visiblement, il y a une trilogie qui s'appelle Les Chroniques de la Terre d'Ombre qui se passe 12 ans après. C'est ce que je vois ici, mais je ne sais pas s'ils sont bons. Je me pose de la question. Ah bah, on va acheter les livres, on va les dévorer, on va faire un faucon. Lis déjà la lumière des Jedi, toi. J'étais en train de lire ce soir. Ok, bon, c'était juste au cas où. Ok. Merci pour l'info. Oui, merci beaucoup. Oui. Ça fait plaisir. Ok. Très bien. Je pense que on va pouvoir conclure là-dessus. Ça fait quand même 1000 heures qu'on parle. C'est vrai. J'espère que Adrien. Bah attends, on a fait 2 épisodes là. Moi, je m'en fous, c'est pas moi qui monte. Hein. J'espère qu'Adrien, t'as été content de nous raconter le film. Oui, alors ouais, c'est ça en fait. Genre vraiment, j'ai mal raconté le film parce que heureusement que Tuki était là. Parce ah que bon moi, la mémoire quand je regarde des films, c'est assez chaotique. Et même pour des films que je connais très bien, des fois j'oublie plein de trucs. Donc merci. Ouais. D'ailleurs, l'épisode 9, quel bon film. Ouais, là. Alors d'habitude, je dis que la force soit avec vous, mais je pense que cette fois-ci, je vais changer. La baguette. La baguette. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.